3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. À l'amical, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour à The Knicks Week sur KNF TV, le rendez-vous hebdomadaire avec, comme toujours, Seb, Choubix le Gaulois. Comment ça va? Eh ben ça va, écoute, il fait bon, le soleil est revenu, et quand le soleil va, tout va. Ouais, je sais pas, nous en Bretagne, enfin bon bref. C'est ça. Le printemps arrive peut-être, et oui, on s'en rapproche. Cette semaine, officiellement, nous serons au printemps. Et en printemps, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a les allergies, pollen, tout ça. Et il y a aussi les joutes de printemps en NBA. Et ça, on aime bien, et on devrait en avoir cette saison. Donc du coup, il faut qu'on profite de cette saison et qu'on se prépare pour ces joutes de printemps. Parce que ça va pas être évident, hein, ça va pas être évident. Allez, vous le savez, il y a, comme à chaque épisode, beaucoup de choses à dire. Et la semaine dernière, il y a peut-être eu que 3 matchs, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ces 3 matchs. Ça fait parler en dehors du terrain et quelques sujets encore épineux à évoquer aujourd'hui. Alors, on perd pas plus de temps, on lance le petit jingle et on est parti pour l'épisode 117. Allez, c'est parti. Le printemps arrive, et qu'est-ce qui est bien avec le printemps? Et bien c'est aussi les viewing parties. Et oui, Antoine vote tout de KNF Viewing Party. On vous avait déjà annoncé l'ultime KNF Viewing Party de la saison régulière, celle qui va concerner le 82e match de saison régulière face aux Brooklyn Nets. Et oui, pourquoi pas. Avec le fameux Mikal en couverture de notre flyer, eh bien on a rajouté une KNF Viewing Party. Et cette nouvelle KNF Viewing Party aura lieu la semaine d'avant, et non pas un dimanche, pour une fois, pour changer. Mais ça sera un samedi. Et ça sera avec qui? Ça sera avec les Atlanta Hawks. Curieux hasard du calendrier, c'est exactement les affiches que nous avions pour le KNF Mecha Trip du mois de janvier dernier. Hawks, Nets, voilà, deux salles, deux ambiances, deux adversaires. Et en janvier dernier, c'était deux victoires des Knicks. Donc on espère pouvoir finir cette saison régulière en beauté avec le maximum de victoires. Parce que ça, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas ménager un petit peu les joueurs, voilà, se préparer doucement, mais sûrement. En tout cas, on vous donne rendez-vous le samedi 5 avril et le dimanche 13 avril, deux week-ends consécutifs où la KNF sera à l'honneur pour vous accueillir et pour partager une fois de plus ces bons moments ensemble. Profitons-en, il y aura bien entendu des KNF Viewing Parties organisées pour les joutes de play-off, mais pour l'instant, on ne connaît pas le calendrier ni les adversaires. Petite idée, hein, il y a des petites projections parce que les braquettes, elles sont un petit peu les mêmes depuis quelques temps. Mais attendons de voir comment cette saison régulière se termine et on verra les dates que nous pourrons vous proposer. Ça avait été des grands moments la saison dernière en play-off. Il n'y a pas de raison que les KNF Viewing Party ne se passent pas aussi bien cette saison. Donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, vous avez déjà deux dates à rajouter à votre calendrier pour cette fin de saison régulière. Le printemps arrive, ça, on en parle. JB, bah, il n'arrive pas tout de suite, il va sûrement revenir au printemps. Quelques petits updates par rapport à sa blessure et les diagnostics, rééducation. Enfin, vous le savez, il y avait une grosse entorse de la cheville. Droite, gauche, je ne sais plus. C'est peut-être la gauche, la droite. Bref, sa cheville en tout cas. Seb avait fait le don d'une cheville, malheureusement, elle n'a pas été acceptée. Il va falloir attendre que JB revienne avec sa propre cheville. Les droits de douane étaient trop élevés pour que ça... C'est ça, depuis le nouveau régime présidentiel de notre ami Le Canard. Bref, Le Canard, vous le connaissez. Il n'est pas si drôle que ça, et pour autant, ce qui n'était pas très drôle pour les Knicks, bah, c'est cette blessure de Jalen Brunson. Quelques petits updates de la part de Shams Charania qui nous indiquent un retour fin mars, début avril. Bon, c'est à peu près conforme avec ce qu'on avait un petit peu en tête. On avait évoqué, il nous avait été évoqué 2 semaines minimum pour une réévaluation de Jalen Brunson. Et ben voilà, ça sera la semaine prochaine, enfin cette semaine-ci, qu'on va rentrer dans cette deuxième semaine, à voir comment tout ça évolue. En tout cas, pour le road trip dans la conférence ouest sur la côte californienne, eh bien Jalen Brunson n'était pas. Il est revenu à New York depuis sa blessure sur le match des Lakers. Et on espère que tout ça se remet bien. En tout cas, voilà, il va falloir encore patienter avant de voir le retour de JB. Mais... Retour du roi. Un roi peut-être en chasse un autre, je sais pas. PJ Tucker, on en a parlé un petit peu la semaine dernière puisqu'il venait de signer son 10-day contract. Seb, tu étais plutôt, on va dire, dubitatif sur l'intérêt réel de Oui, cette signature, hein, dubitatif. t'es gentil, oui. Circonspect, non, je sais pas, tu doutais. Voilà. Et voilà, on a pu voir les grands débuts de PJ Tucker. Oui, les grands débuts sur le banc de Ah Sacramento d'abord, puis sur le banc de Portland et enfin sur le banc de Golden State, enfin de San Francisco, les Warriors. PJ Tucker, voilà, qui comme à son habitude nous régale avec ses sneakers, un très très gros collectionneur, peut-être le plus gros collectionneur, pardon, de sneakers de la sphère NBA. Peut-être que c'est le GOAT, voilà, en ça du sneakers game. Mais voilà, bah on l'a vu sur le banc et puis c'est tout quoi. Il fait de l'animation, il encourage Josh Hart à shooter à 3 points. Alors ça Ouais. a marché pour un match. Ça a peut-être pas vraiment marché pour le dernier match, on va en parler. Et un rôle, voilà, certains étaient plutôt très contents de cette signature. On rappelle, c'est qu'un 10-day contract. Hein. Pour l'instant, il n'a pas été prolongé. On va attendre de voir si cette semaine, ce 10-day est poursuivi par un autre 10-day contract. Ou si, au contraire, ces derniers agissements avec les Knicks n'ont pas plu à la direction et il n'est pas conservé. On verra tout ça. En tout cas, le vétéran de bientôt 40 ans, bah, pour l'instant, il sort le banc, il amuse la galerie, il fait des petites fanfaronnades sur le banc. Est-ce qu'il va apporter des conseils à ses jeunes coéquipiers, qui sont tous plus jeunes que lui, bien sûr, même si on n'a pas une équipe si jeune que ça chez les Knicks? À voir, hein. En tout cas, certains attendaient de sa part d'apporter un peu de la dureté, du leadership. Bon. Je ne sais pas trop en quoi, pour l'instant, on peut mesurer l'apport de PJ Tucker. On reste assez dubitatif par rapport à son intérêt réel dans ce roster. On verra, on verra. En tout cas, on a vu des choses qui ne nous ont pas vraiment plu. Et ce n'est pas cette image faite par l'IA où on voit PJ Tucker embrasser Draymond Green. Mais en tout cas, là, on attendait un sergent qui allait remonter les bretelles et tout. Bah, on a vu un PJ Tucker qui était plutôt copain-copain avec Draymond Green sur ce tout dernier match de la semaine. On l'attendait ce dernier match de la semaine avec toutes les déclarations qu'il y avait eu très très maladroites, pour pas dire un peu débiles, de la part de Draymond Green, que j'aime bien maintenant surnommer le bouffon vert. Pour ceux qui ont la référence, hein, Spider-Man, bouffon vert, Draymond Green, vert, voilà quoi. Et puis Draymond Green qui fait un peu son clown, hein, ça faut le dire, qui fait un peu le bouffon qui amuse la galerie par podcast, sur le terrain, par des gestes parfois violents, bref. Un personnage assez atypique dans cette ligue, dans cette NBA. Et forcément, ce match de fin de semaine, sur lequel on va revenir dans le déroulé de la rencontre, bah on l'attendait par rapport à ses déclarations qui avaient été très maladroites, sur lesquelles il avait eu l'occasion de s'excuser vis-à-vis de son ignorance par rapport à la situation de Karl Anthony Towns. C'est pas Il n'a pas du tout été dans ce sens, il n'a pas rétro-pédalé, on a même bientôt rajouté des tonnes par-dessus. Et on attendait de voir un petit peu cette rencontre, comment ça allait se passer, comment Karl Anthony Towns allait réagir à la situation. Et puis, bah, surtout, ce qui nous a un petit peu, entre guillemets, choqué. Faut mettre des guillemets sur cette dimension de est-ce qu'on est vraiment choqué par tout ça, surtout en 2025. Mais c'est cette fin de match où finalement Draymond Green a fait un peu du Draymond Green encore dans la rencontre, a essayé un petit peu de faire sortir Karl Anthony Towns de ses gonds et tout. Bon, voilà, faire des fautes un peu inutile, et puis parfois aussi produire du bon basket de sa part. Mais on a vu, bah voilà, en fin de match, bah, tous les Knicks qui se faisaient des accolades, tous ou presque, Oh tous là ou là. presque. Parce que Karl Anthony Towns et peut-être Mitchell Robinson, je ne sais plus, il était suivi d'un autre joueur, bah, ont pris directement le chemin des vestiaires à l'issue de la rencontre. Ils n'ont pas C'est perdu Mitch, de temps. il a checké, mais Ouais, alors c'est plus, je sais plus qui accompagnait Kat, mais Kat, lui, il a tracé direct dans le vestiaire. Il n'avait pas de temps. Il avait peut-être un peu le seum de la défaite, ce qu'on peut comprendre. Julius Randle était un peu un coup de fumier du fait. Mais autrement, tous les autres, allez, vas-y, salut, c'était bien, on a bien perdu contre vous. Bonne fin de saison, youpi. Voilà, donc on peut se poser la question de l'état d'esprit réel de cette équipe Oh. qui, sur ce match, on le savait, il y avait quand même un contentieux, il y avait un petit bif, il y avait un truc qui n'était pas très très net. Par média, on a vu que Kat avait réagi, avait essayé de se mettre un petit peu au-dessus de tout ça en disant, moi, je préfère réagir par amour plutôt que par hate. Admettons, voilà, ne mets pas de l'huile sur le feu, Il a mais été, de là. lui a eu une réaction en tout cas sur le terrain. Digne. Digne. Et une Et réaction sur le terrain. non, non, non, c'est ça, ouais. Moi, je parle de sportif, c'est qu'il a joué, tu vois. Alors, peut-être qu'il Il a manqué ce coup de coude, tu vois, comme je disais, tu Que t'attendais, que t'attendais. vois. Lui s'est pris un coup de coude, mais il Ouais. lui en donnait, il lui en donnait. Eh oui, non, mais lui aussi, il avait le menton un peu trop en avant. Forcément, t'as le menton en avant, tu prends un coup de coude, il y a faute du menton, ça, c'est évident. Mais. Le Non, menton doit rester dans le cylindre. mais. C'est le basket, c'est une histoire de cylindre. Voilà. Si t'as le menton qui dépasse, et Toi, James Harden a eu beaucoup de problèmes avec attention. cette histoire de Voilà. menton. Attention. Voilà. Je crois que aussi, d'ailleurs, les Lakers avaient eu un problème de menton avec les Kings, je crois. Enfin, les Kings ont eu un souci de menton, je crois, avec les Lakers. Enfin, bref, ça avait fait suffisamment de débats à ce titre-là. Non, mais oui, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On perd. Une question simple, est-ce que les Knicks, ils sont soft? Bien Est-ce sûr. que c'est une équipe Mais soft? bien sûr. Mais à 100%. Mais à 100%. Je te dis, je pense pas que James Brunson lui soit lui faire un câlin s'il avait été là, tu vois. Il aurait été le checker, je pense, Oui, par non mais. Mais Courtland les Courtland. autres là, Mikal Bridges dans les bras, je sais plus qui, je crois qu'il y a eu McBride aussi dans les bras, et puis Thibodeau? Thibodeau Thibodeau, aussi. Thibodeau. Thibodeau dans les bras, et puis après, oh là, on te vend le, comme tu dis, PG Tucker. le général en chef, attention, tous en ordre de marche, le général arrive. Et l'autre, il te le prend, limite, il te danse une valse avec lui, là, non, t'as envie de... Parce Alors que... qu'ils se sont affrontés dans la conférence Ouest. Hein. Il y a eu des séries entre Houston et Golden Allez, State qui étaient assez next. accrochées, Ça dégage, compétitives. ça. Ça dégage tout Mais ça, ça dégage tout ça. Ça comme quoi, dégage. des fois, on veut nous vendre du storytelling avec des caractères de certains joueurs Mais c'est de en la pipe. 2025. C'est de En la pipe, ça. 2025. Mais après, on le sait aussi. Hein. Maintenant, c'est une ligue de copains, hein, la NBA. La NBA a voulu rendre soft le truc, mais aussi, c'est une ligue de copains. Ils sont tous là. Après, je peux comprendre. Ils sont peut-être plus amenés aussi à bouger, les joueurs. Cependant, que quand tu as eu des joueurs, des fois, qui s'étaient bien pris la gueule avec une franchise, ben. Je sais pas que quand Rodman arrive aux Bulls, les Bulls sont pas hyper chauds au départ pour l'accueillir, quoi. Ouais. Je crois qu'il y avait eu aussi Xavier McDaniel quand il vient au Knicks, il s'était quand même bastonné avec Oakley. Et donc quand il arrive au Knicks, les Knicks sont pas hyper chauds de le recevoir, tu vois. Et l'anecdote raconte que ça a bastonné direct avec Anthony Mason lors des entraînements et que Pat Riley limite était très content de toute cette situation parce que ça donnait justement du caractère, Voilà. ça donnait aussi un côté Bon, compétitif après. entre eux. C'était une autre époque. C'était une autre époque. C'était une autre Ah, époque où, voilà. c'est sûr que des Anthony Mason ou des Charles Oakley, bon, dans la NBA actuelle, il ferait un petit peu de tâche. Mais parce que je pense que si c'était passé ça avec Draymond Green, premier ballon, Mason, je pense qu'il lui rentre le plexus dans le. Pas faute, bon, c'est pas grave, mais voilà, le message est passé, Voilà. effectivement. Mais tout ça pour dire que, voilà, on nous a vendu PG Tucker, ouais, il va apporter de la dureté, il va apporter du caractère à cette équipe qui en manque. Eh bien, c'est du storytelling tout ça, parce que voilà, PG Tucker, même si c'est un vétéran qui a peut-être des conseils à donner, eh bien, pour l'instant, comme tu le disais, je crois, la semaine dernière, il n'a pas encore de légitimité dans cette équipe, il arrive sur le tard. Voilà, oui, il va arriver en mode je suis un mentor, un peu à la Taj Gibson, mais voilà, déjà joue et un vécu avec cette équipe, et on verra après. Est-ce qu'il va Taj jouer? Gibson, Ça, c'est pas gagné. il avait pour lui déjà la complicité avec le coach. Donc ils avaient tous les deux un vrai vécu avec le coach. Ils étaient aussi un peu à trois avec Derrick Rose. Tout à fait, Donc ouais. je veux dire, il y avait quand même ce côté-là aussi. L'équipe était un peu plus jeune. À l'époque, il y avait les Hobby, il y avait les IQ, il y avait les RG. Donc il y avait besoin de ce côté vétéran qui aide un Voilà, groupe jeune. exactement. Donc c'est vrai que tu avais ce côté un peu, les papas étaient là, allez les enfants, on se tient la main, on y va, on va au Madison jouer un match. Voilà. Là, tu as des mecs qui ont entre 27, 28, on a Josh Hart qui vient de faire ses 30 ans, c'est des gars, ils connaissent la musique. Et c'est des gars, ils connaissent l'NBA, ils connaissent les arcanes de l'NBA. Alors peut-être que pour certains, l'expérience playoff est peut-être pas si élevée que ça. Mais en attendant, le business de l'NBA, il le connaît. Josh Hart, il est passé par les Lakers, il est passé par New Orleans, il est passé par Portland, et maintenant il est à New York. Mikal Bridges, il est passé par Phoenix, il est passé par Brooklyn, il est à New York. Jalen Brunson, avant ça, il était option, enfin il était sixième homme de Dallas. Donc je veux dire, OG Anunoby, il a été titré, OG Anunoby avec les Toronto Raptors. Donc, enfin je veux dire, ils ont contre les Warriors. Ouais. Contre les Warriors de Draymond Green. Ils ont tous un vécu. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce type-là, tu vois, on arrive, ouais, vous avez vu un peu, il a dit à Josh Hart de shooter, il a shooté, c'est bien. Non, mais qui croit à ça? Alors, est-ce qu'il lui a dit lors du match face aux Warriors? Il a peut-être oublié. Il a peut-être oublié de lui dire. Comme, voilà, comme dirait Vincent Collet, j'ai oublié que je devais tout vous dire. Tu vois, et ben c'est ça en fait. Il a oublié, notre ami PJ Tucker, de dire à Josh Hart de shooter. Ça, c'est embêtant. Tu vois, enfin, de shooter, oui, mais de marquer. Il a peut-être oublié de lui dire. Ah, voilà. Shoot, mais marque, quoi, contre. Shoot, non, mais dans le panier, s'il te plaît. Non, mais oui, après, quand tu dis, est-ce que c'est... On préfère le prendre sur la rigolade, mais voilà. Est-ce que ça pour dire que... soft? Bien sûr qu'elle est soft. Ça, on le savait avec déjà Michael est soft, mais avec Karl Anthony Towns qui arrive. Moi, tu sais, j'avais un débat, je crois qu'on en a parlé, je sais pas si toi t'en as parlé, voilà, sur différents groupes ou avec des copains où on est. Et je me posais la question... L'année du We Here, où Julius Randle porte les Knicks pour nous amener en playoff. Après, on connaît le résultat et voilà, on se fait éliminer au premier tour parce qu'aussi Julius Randle est la seule option véritable de cette équipe. Donc, museler, forcément, c'était plus compliqué. Mais bon, ça, après, ça ne regarde. C'est mon avis, ça n'a l'air que moi. Mais si tu remplaçais dans cette équipe Julius de Randle par Karl Anthony Towns. Est-ce qu'on aurait eu ce leadership? Est-ce que Karl Anthony Towns aurait pu porter ces Knicks-là et les amener en playoff? Parce que moi, je veux bien qu'on crache à la gueule de Julius Randle et beaucoup. Alors, il ne faut pas toucher au sacro-saint Thibodeau. Par contre, Julius Randle, on peut y aller, quoi. Alors, lui, on peut y aller, on peut le défoncer, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question. C'est passé de mode depuis qu'il est à Minnesota. Ouais. Et que d'ailleurs, ces derniers temps, son équipe, avec lui, enchaîne les victoires. Ben oui, bah, il n'était pas là, il perdait, il revient. Là, ils sont sur 7 ou 8 victoires d'affilée, bizarrement. Enfin, bref. C'est peut-être aussi un curieux hasard ou une équipe qui arrive à maturité en sa saison. Mais en tout cas, en ce moment, à Minnesota, force est de constater que ça marche plutôt bien pour eux. Mais... Et que Julius Randle, qui était peut-être sur le départ, selon pas mal d'observateurs ou de fans. Bah finalement, ça a l'air de même pas trop mal marcher. Ben oui, mais parce que en fait, si tu veux, il y a eu aussi beaucoup de par les vulgarisateurs NBA français. Il y a eu aussi un travail pas de sap, mais ça a été, il a souvent été moqué, il a souvent été décrié, et donc en fait, un joueur moins sexy. Et moins... donc en fait, le mec quand il arrive dans une équipe là comme Minnesota, et ben les supporters de Minnesota c'était oh là là, qu'est-ce qui se passe, qui c'est qui récupère? Et certains, moi, vous allez voir, c'est un mec. Alors oui, Julius Randle, c'est un mec entier. C'est un hyper émotif. Mais dans un bon truc, c'est un mec qui te tourne en triple-double. En triple-double. Donc, et moi, est-ce que Julius Randle, dans ce cas de figure-là, il serait allé faire un câlin à Jalen Green? Non, parce que Julius Randle n'a pas été faire un câlin à ses anciens coéquipiers quand il est sur je ne sais plus quel match en début de saison, quand ça s'est pas bien passé pour lui. Au match à donc voilà, il a on aime ou on n'aime pas tel ou tel joueur, chacun a son propre caractère. Force est de constater que voilà, il y a des caractères qui des fois sont plus un peu compétitifs, voilà, un peu dans le combat, dans la dureté, et d'autres qui sont voilà plus dans la jovialité. Et cette équipe d'Enix 2024-25, elle est moins dans la compétition, dans le côté bagarre, le côté hustle. On a perdu des joueurs qui avaient ce caractère-là. On a des joueurs qui sont peut-être plus talentueux. C'est très bien, elles sont sympas, les petites célébrations dominicales. Et quand ça fait gagner, on les adore. Quand, au contraire, ça fait perdre, enfin, ça fait pas gagner, on se dit, voilà, ça manque de sérieux. C'est bien de prendre tout ça comme un jeu. Et ce n'est qu'un jeu, finalement, où il faut mettre des ballons dans un panier. Mais voilà, en termes de... d'ADN de l'équipe, parce que aussi on reste des fois figé sur les Knicks et la défense, la dureté, les années 90. Ouais, mais c'est plus ça le basket en 2025. C'est plus ça, et c'est plus ça non plus à New York. Et voilà. C'est pour ça que des fois il y a un petit peu un manque d'adéquation entre ce qu'attend le public, ce qu'attend les fans des Knicks de cette équipe. On n'est pas sur ce type de jeu, on n'est pas sur ce type de caractère de joueur. Et cette séquence en fin de match, un câlin à Draymond Green. Ouais, tu pouvais le checker sans en faire des tonnes, quoi. Parce qu'il a quand même craché sur un de tes leaders de ton équipe. Et c'est un peu dommage que le reste de l'équipe se soit pas montré un petit peu solidaire vis-à-vis de Karl-Anthony Towns par rapport à ça. L'idée, c'est pas de partir en beef avec Draymond Green. Puis, de toute façon, ça apporte rien. On en Et a à puis, foutre. au mieux, on se retrouve en Qu'est-ce que finale t'en NBA. as à foutre, en fait? Voilà. Mais c'était un peu un excès de. Ouais, fallait peut-être pas en faire des tonnes non Non, plus, mais quoi. je serais quand même curieux en commentaire. Dites-nous, ceux qui regardent la vidéo, ça va vous prendre quelques. Est-ce que vous pensez que l'année où on retourne en playoff, est-ce que si Karl-Anthony Towns est remplacé par dans le roster, par enfin, Julius Randle, c'est Karl-Anthony Towns à sa place, est-ce qu'on y va en playoff ou pas? Je serais surpris, on papotera si vous me dites oui, moi je pense que moi je pense que Un oui. oui here avec 4 plutôt Moi je qu'avec pense que non. Randle, est-ce que ça fait le même Moi je pense résultat? que non. Moi je pense que non. Moi je Ça reste personnellement je pense que la non. conférence Est, donc il y a plus de facilité, Bon mais. après moi je pense que non. Après ceci dit la conférence Est oui, plus de facilité pour l'instant, 55% des victoires entre la conférence Ouest et sur la conférence Est. Donc oui, pour l'instant, ils nous dominent. Quand tu regardes souvent les trucs, ils nous dominent. La conférence Est, Ouest domine la conférence Est. En confrontation directe, ça c'est clair. Ouais. Mais est-ce que c'est Mais plus facile d'aller en playoff quand on est dans la conférence Est que quand on est après, dans la les playoffs, c'est conférence Ouest? Une autre histoire. La saison régulière, en tout cas, ils nous dominent. C'était une saison particulière aussi, la Mais saison du Weir, avec encore un peu des absences de public et voilà ouais, mais des conditions spéciales, mais. Moi je pense qu'ils y vont pas. Moi je pense qu'ils y vont pas. Et tu là ici en 2021-22 quand Minnesota va en playoff, c'est quand c'est les débuts de De Jimmy Butler. Anthony Edwards est là. Et après en 2017-2018 et 2018-2019, tu Ah dois oui. avoir Jimmy Butler dans le roster. Ouais, bah la saison où il retourne en playoff, Minnesota, c'est avec Jimmy Butler. Voilà. Donc, Et Tom Thibodeau en tant que coach, GM et compagnie. Jimmy Butler, c'est ça. T'avais un Taj Gibson un peu plus jeune. T'avais Derrick Rose. Enfin bref, Jamal Crawford était là. Mais. Georgie Dieng? Georgie Dieng? Exactement, Georgie Jiang. Mais bon, voilà. Cette équipe. Jeff Teague. De toute façon, il faut. C'est dur, hein. Parce que quand on voit des fois les autres joueurs, quand on voit les images de l'année dernière, c'est dur de faire le deuil de cette équipe qui nous a tant marqué. Parce qu'en fait, cette équipe, je pense que cette équipe-là, l'année dernière, les mecs, ils vont en fin de match, par correction, tu vas taper dans la main de tous les mecs. Mais t'es pas obligé de faire des gros câlins et des chuchotages à l'oreille, quoi. Donc, je pense que cette équipe-là, l'année dernière, on le fait pas, Surtout que ça. c'est un match sur antenne nationale, donc tu sais qu'il va y avoir tous les médias qui vont avoir les yeux braqués sur ces moments-là, sur tous ces Ouais, moments en fait, moi, c'est ça qui m'a le sur tous plus ces moments dans la dérangé. rencontre. C'est pas la dispute entre Josh Hart et Tom Thibodeau qui m'a Ah bah alors dérangé. justement, on a beaucoup parlé de Draymond Green et il faut qu'on passe à autre chose parce qu'il y en a beaucoup de sujets. Ouais, mais tu vois, Et ça, c'est pas la des. semaine Moi, ça dernière, m'a dérangé. Il y a eu plein de choses en fait. Il y a eu plein de choses. Si on se recentre un peu sur nos Knicks, on se pose la question de savoir s'ils sont soft. On a envie de dire plutôt oui. Et on espère qu'ils nous feront mentir un petit peu lorsque les joutes de playoffs vont arriver. Parce que là, il faudra aller gagner des matchs. Il ne faudra pas faire des câlins à chaque fin de rencontre. Et surtout en mode défaite. Hein. Autant quand tu es en victoire, vas-y. Sur la défaite, il y a un match à gagner. Donc en playoff, il va falloir retrouver une force de caractère bien plus élevée. Et ben cette semaine, en tout cas, il y a eu un joueur qui s'est un petit peu montré ou qui est sorti du bois par rapport à ses déclarations dans la presse. C'est pas forcément à son habitude. C'est Mikal Bridges. Mikal Bridges, justement, qu'on dit plutôt soft et tout, parce qu'on le voit très souriant, on le voit, voilà, très joie de vivre. Et tant mieux, il profite et il kiffe sa vie en NBA. Et il enchaîne tous les matchs, il joue tout le temps, donc il est plutôt content. Mais justement, il est sorti dans les médias, d'abord dans les médias. Alors, quelle question lui a été posée, quel est le contexte de sa sortie? Il faudrait retrouver tous les détails, mais en tout cas, il a clairement évoqué, il a envoyé une tech à direction de son coach, Tom Thibodeau. Jusqu'à présent, on disait justement que le vestiaire, l'effectif avait l'air d'être en phase avec Thibodeau, en tout cas faisait pas de vague. C'est la première vague qu'on voit. Après, il faut la relativiser aussi, il faut voir un petit peu le contexte, la réponse du coach, tout ça, tout ça. Mais donc, Mikal Bridges qui a évoqué le fait que les joueurs du banc, parfois, ils mériteraient de rester peut-être un peu plus longtemps sur le terrain. Et dit autrement que lui et d'autres de ses coéquipiers, pour pas les nommer OG, Josh et compagnie, auraient de quoi souffler peut-être un peu, que ça ferait du bien pour leur métabolisme de pouvoir compter sur les remplaçants pour pouvoir aborder cette saison plutôt longue. Donc c'est pas une surprise puisque on le sait, les minutes des joueurs d'Enix sont souvent citées en oui, ça fait 5 titulaires qui sont dans le top 20 ou top 25 des minutes utilisées dans cette ligue. C'est une sortie qui se fait d'abord sans concertation avec Thibodeau. Thibodeau dit ah bon, d'accord, maintenant on n'en a pas discuté. Ils en ont discuté avant le match, le fameux match de Portland, mais cette sortie a lieu dans les médias avant une discussion en 1-1 avec Thibodeau. Ensuite, les deux se sont parlé avant le match face à Portland, puis ils se sont aussi parlé pendant le match, forcément. Et le fameux interview post-game winner de Mikal, la question de McBrain lui dit: Bon, t'as joué 43 minutes, ça va? Ouais, ça va. Voilà, on passe à la suite. Next, je ne veux pas en faire des tonnes, ça a fait déjà suffisamment de bruit. Mais voilà, en tout cas, une première sortie d'un joueur d'Enix qui remet en cause l'utilisation de ses joueurs. Pas surprenant. Mikal, on le sait, c'est un Ironman, un marathonien. Il a fait toutes les rencontres NBA qu'il a pu jouer depuis qu'il est arrivé en NBA. Donc voilà, il est habitué à ne pas avoir de load management. Le load management en 2025, des joueurs seront mis sur la touche. Lui, jamais. Et voilà, un temps de jeu qui est en hausse par rapport à tout ce qu'il a pu connaître. Donc voilà, il tire la langue, il tire un premier signal d'alarme et à laquelle on a une réponse de Thibodeau qui vaut ce qu'elle vaut. Lui indique, avec connaissance du sujet, puisqu'il nous cite les temps de jeu de Karl-Anthony Towns et de Jalen Brunson, autant ils sont 20, 21e, machin, ok. Donc il est au courant de ce sujet, de ce dossier épineux, de ces critiques sans cesse qui tombent sur lui. Et il nous sort une excuse, une explication, valable ou pas, chacun après de faire son analyse de sa réponse à Tom Thibodeau, de dire, bah voilà, Mikal, il fait partie des joueurs ailiers qui jouent parce qu'en face, c'est les joueurs ailiers dans la ligue sur lequel il est mis en défense face à des Tatum, face à des Brown, face à des je ne sais qui autres. Donc il sort la carte de, bah ouais, moi je fais utiliser beaucoup mes ailiers parce que bah, j'ai des gros ailiers en face à mettre en défense. Voilà, première vague officielle, en tout cas, publique. Semble-t-il, il n'y a pas de bif. Stephen Smith, on le connaît, il a signé son gros contrat à 100 millions de dollars, il en a fait des caisses en disant « Ah, ça y est, Tom Thibodeau est sur la sellette, il est in trouble » par rapport à cette déclaration. Oui, forcément, l'Enix et Tom Thibodeau s'en seraient passés, mais voilà, c'est non plus, c'est quelque chose que beaucoup d'observateurs, de fans, et parfois, comme tu le dis aussi, de vulgarisateur de la sphère NBA indique vis-à-vis de Tom Thibodeau sur il utilise trop ses joueurs, il utilise trop ses joueurs. Et ben voilà, il y en a un premier qui prend la parole en public, c'est Mikal qui vient d'arriver. C'est pas son style, il s'est jamais plaint de ses différents coachs. Après, il n'a peut-être pas été utilisé aussi longtemps par ses précédents coachs. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie qui a surpris sans surprendre? On connaît les rankings des minutes, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie avant qu'on parle du deuxième événement de la semaine avec Thibodeau, qui était le clash en match avec Josh Hart sur la dernière rencontre? Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie, la réponse des Indes, enfin de la réponse de Tibbs? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, qui dit vrai là-dedans? Je pense que le joueur dit vrai. Thibodeau, du moins, je n'ai jamais parlé, alors je trouve ça assez bizarre. Est-ce qu'il y a. Parce que quand il a parlé, Mikal Bridges, on a beaucoup parlé après, derrière, notamment sur X avec d'autres supporters des Knicks. Et c'est vrai que le sentiment, c'était. Ben là, il y a l'air d'y avoir une scission entre Mikal Bridges et qui s'épand publiquement sur les réseaux sociaux de, enfin, en tout cas en interview, pardon, de son temps de jeu. Donc, il met son coach un peu dans la sauce, et les joueurs vont devoir se positionner pour soit Tom Thibodeau, soit pour Mikal Bridges. Tom Thibodeau derrière dit, écoute, moi je n'ai jamais parlé de ça avec lui, donc déjà, bizarre, pourquoi est-ce que Mikal Bridges dit ça? si le coach dit que lui ne lui en a jamais parlé. Ça arrive qu'il y ait des sorties de joueurs avant d'avoir discuté avec les coachs. Ça arrive. C'est pas un fait isolé, mais ça peut être surprenant de se dire que j'ai pas eu l'occasion d'en parler directement. Il dit qu'il lui en a parlé, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il lui en a parlé, que ton petit Bodo est tellement pris dans ses matchs que des fois ils doivent lui dire eh, « Non, mais laisse Chamet, t'as vu comme il est bon là, machin enfin, ?» Là, t'as l'impression que le coach est possédé, qu'il faut limite le mettre sous tutelle parce qu'en fait, à ce qu'il dit, Michael Bridges, c'est quand même assez inquiétant sur le coaching de ton petit Bodo, la façon dont il parle, tu vois. Ah, il dit qu'il a son plan, qu'il est fermé, qu'il est. Voilà. Et ben ouais, mais. Moi, ça m'étonne pas, en fait. Je sais qu'après, ça, c'est un point de désaccord qu'on a toi et moi là-dessus. Cette année, c'est la première année de coaching de Tom Thibodeau où il y a vraiment un si gros écart entre les minutes du 5 et l'utilisation du banc. Toi, tu estimes que ça ne peut rien changer de faire rentrer des mecs. Moi, j'estime que faire jouer 5-10 minutes de plus un joueur, c'est de la récup et c'est pas rien. Et je m'étais amusé à regarder sur les 20 dernières années les finalistes NBA, c'est-à-dire les champions de chaque conférence, et voir sur un critère de un roster, donc en saison régulière, je parle, hein, pas en playoff, en saison régulière, sur un roster avec. Chaque joueur, j'avais pris donc les joueurs qui ont joué plus de 40 matchs, c'est-à-dire 40 matchs, ça reste la moitié de la saison, significatif. Un match ou deux, peu importe les minutes jouées, j'en regardais 40 matchs. Pour, donc un mec qui est dans la rotation. Quand tu joues un match sur deux, c'est que tu es dans la rotation. Oui, tu as pu avoir des blessures pour une dizaine de matchs, mais tu as fait ta saison. Même ta saison. Et donc en fait, il y a quand même une sorte de consensus qui ressort là-dessus. C'est que tu te retrouves, alors tu as des exceptions, tu as par exemple l'exception Spurs 2014 où tu as zéro joueur dans la saison qui a joué plus de 30 minutes. Et tu peux avoir l'exception, je n'ai vu un autre, l'exception Pistons 2005 où tu as les 5 joueurs qui ont joué plus de 30 minutes, c'est-à-dire comme nous les Knicks cette année. Mais il y a comme une sorte voilà, de tendance qui se dégage, c'est un roster à 11-12 bonhommes. Donc, 11-12 bonhommes dans la rotation. En régulière, parce qu'après, en playoff, on le sait, les rotations se raccourcissent. Mais en régulière, sur 82 matchs, voilà, utilisation d'un roster. Pour ménager les organismes, c'est exactement ce que je dis. Les playoffs, je dis que ça, c'est vraiment autre chose. On le sait. Hein, c'est, après, les playoffs, c'est vraiment en ligne droite. Et là, les mecs, ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais la saison régulière, c'est un marathon. Il faut savoir ménager les organismes. Et donc, ce qu'il ressort, c'est une rotation entre 11-12 bonhommes et 3 joueurs forts. 3 joueurs à plus de 30 minutes. Le concept du Big Three. C'est la tendance. Hein. C'est vraiment la tendance. C'est tu vas avoir 11-12 bonhommes qui vont jouer dans la saison et 3 joueurs qui vont vampiriser le gros temps du jeu et qui vont, eux, être les stars. Et nous, cette année, on est sur un plan à la Pistons 2005. C'est-à-dire 10 joueurs de rotation, 5 à plus de 30 minutes. Sauf que on n'a pas le même caractère que les Pistons 2005. On l'a vu contre les Warriors. Je pense que les Pistons 2005, ils ne se comportent pas comme ça. Et puis, le groupe avait un vécu que nos Knicks n'ont pas encore ensemble. Donc, moi, je peux comprendre aussi, on n'est plus dans le même jeu en 2005. C'est plus la même NBA. En 2005 voilà. Et 2025, il y a 20 ans qui ont coulé sous les ponts. On sait l'importance du panier à 3 points. Le jeu est peut-être plus rapide. Il y a plus de points scorés. Donc, voilà. Maintenant. Il y a la cup. Moi, je pense. Moi, je pense qu'un bon coach est un coach qui. C'est tirer la quintessence de son groupe et peu importe qui compose son groupe et qui va arriver à sublimer des joueurs en te disant « Oh putain, lui, putain, il joue bien, lui, je ne m'attendais pas du tout à lui cette saison. » tu vois. Nous, on sait que Tom Thibodeau, il aime les mecs référencés et qui connaissent leur défaut, leur rôle. Et là, alors soit il n'est vraiment pas du tout satisfait de son banc, Et ils les utilisent parce qu'il faut à un moment donné faire tourner. Les mecs, ils peuvent pas jouer 48 minutes par match. Même si je pense qu'ils aimeraient peut-être bien, mais ils peuvent pas, c'est pas possible. Et après, ben, Mikal Bridges, peut-être qu'aussi, ben, ce type de coaching-là ne lui correspond pas. Et parce que d'un côté, tu as Jalen Brunson et Josh Hart qui, eux, ça marche bien avec lui parce que ben, ils sont peut-être un peu plus durs mentalement et ils arrivent à encaisser, ils arrivent à se sublimer. Et peut-être que Mikal Bridges n'arrive pas, en fait, à lui passer ce cap-là de se faire violence. Donc voilà, moi je pense que y a du vrai dans chacun. Je comprends ton petit Bodo quand il dit ben, mes ailiers jouent parce que en face, eh ben, Sont dans une meilleure situation. ils vont affronter les meilleurs. Ok, mais dans un blowout à plus 30, qu'est-ce que tes mecs font encore à 5 minutes de la fin sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils font là? Les meilleurs sont pas en face, ils sont plus, hein, ils sont assis. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi il joue? Sur certains matchs, tout à Donc, fait. si Et tu veux, là-dessus, on ne voilà. peut pas lui donner raison 100% du temps. Après, il n'a pas tort non plus sur le côté. Il utilise ses ailiers. Et on est dans une ligue aussi un peu plus d'ailiers. Le jeu est plus porté sur les ailiers. Moi, sur ce débat qui revient sans cesse et qui est, à mon sens, trop simpliste dans la façon dont il est abordé par les médias ou par certains fans, on dit oui, il y a 5 joueurs dans le top 10, 20, 25 qui sont des Knicks. Et ça pose problème. Bon, admettons. Donc c'est un fait, oui, effectivement, il y a 5 joueurs. Et tu évoquais tout à l'heure le fait que, en regardant sur l'histoire de la Ligue et des équipes championnes, alors est-ce que les Knicks sont champions? Pour moi, je ne les mets pas dans la case contender cette année, même si James Dolan nous dit Karl-Anthony Towns, c'était peut-être la pièce manquante. On verra, on verra. J'en suis clairement pas rendu là, moi, dans ma vision et mon appréciation des Knicks. Je pense qu'il faut du temps et on en reparlera de titre plus tard. Mais pour revenir à cette utilisation, analyse et les critiques qui sont légitimes, qui est des critiques vis-à-vis d'un coach, tous les coachs ont des critiques. Hein, donc ça là-dessus, Thibodeau en fera pas l'économie. Mais voilà, tu l'évoquais, oui, sur des effectifs en saison. Une utilisation d'une dizaine de joueurs, c'est certain que ça serait mieux, clairement. Aujourd'hui, le Big Three des Knicks, si on peut dire qu'il y a un Big Three, ça serait lequel? On verrait Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby. ça serait OG? Ouais. Ça serait pas Mikal? Ça Non. serait pas Josh? Non. Et voilà, en fait, est-ce que c'est réellement OG Ah le ouais. Big Three, Ah ouais. le membre du Big Three, peut-être Ah par ouais. le contrat? Non. Peut-être que Non. Ah Mikal, non, il non. aimerait être ce troisième, Non, tu par la vois? régularité simplement. Par la régularité des prestations. Après, il y a la performance sur le terrain et le statut que certains pensent avoir. Ouais, mais. Et je pense que cette hiérarchie, elle n'est pas aussi lisible dans l'esprit de tous ces joueurs des Knicks. Que Brunson soit le numéro 1, je pense que ça fait consensus. Que Cade soit le numéro 2, il n'y a pas de souci. Mais ce troisième, qui est-il? Eh ben moi je trouve que, moi je trouve que, alors là on a eu un épiphénomène avec Mikal Bridges contre Portland, Et tant mieux. Heureusement que par moment, il... mais au point de vue des prestations et des responsabilités d'attaque, je parle pas en défense, hein, je parle d'attaque, C'est souvent par l'attaque que cette hiérarchie, en plus, je trouve que ce Big Three est défini. je trouve que OG Anunoby prend plus souvent ses responsabilités. Il a eu quelques mauvais passages cette saison, clairement. Il a fait un très bon début. Voilà, mais et là Il actuellement il revient est plutôt bien, bien. mais avec plus ou moins de réussite à 3 points. Mais je trouve que il attaque, il pousse, il utilise son corps. Et tu en as parlé en space la dernière fois. Mikal Bridges n'a que très peu de lancers francs. Parce qu'il va très peu au panier, il était. Enfin, il y a une évolution dans son jeu. Il y a une évolution dans son jeu depuis la blessure de Jalen Parce qu'il Brunson, n'y a pas de parce Jalen qu'il y a une Brunson. responsabilité à avoir, parce qu'il va falloir élever son niveau de jeu. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que Mikal, c'est le troisième du Big Three? Je pense que lui le pense l'être, veut l'être peut-être. Il y a aussi une situation très compliquée avec Mikal, qu'on évoque peu, c'est cette série de matchs sans arrêt, sans pause. Est-ce que Tom Thibodeau, à un moment donné, va le load manager en disant Bon, je dis ça, mais j'y crois pas. À base de non, tu joues pas ce match-là. Ça serait le coach qui mettrait fin à cette série. Alors que JB a manqué des matchs et il en manque en ce moment. Josh Hart aussi. Karl Anthony Towns aussi. OG aussi. Le Regarde seul membre du starting five qui s'est jamais arrêté, c'est Mikal. les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, donc tu as les 4 avec San Jalen Brunson. Donc Mikal Bridges contre les Lakers, 6 points. Contre les Clippers, 22 points. Contre Sacramento, 15 points. Portland, 33 points. Warriors, 19 points. OG Anunoby, les Lakers, 20 points. Petit coup de mou parce qu'ils s'étaient tapés tout le monde la veille. 11 points Clippers contre en les Clippers. back-to-back. Derrière, Sacramento, 24 points. Portland, 23 points. Golden State Warriors, 23 points. Avec des pourcentages, notamment tu prends à 3 points, il a fait 66%, 37, 42, 25, 36. Donc, il a eu, je trouve que OG Petit problème de Anunoby. micro. Attends. Redis-nous ça parce qu'on a eu un petit problème de micro au moment où tu as évoqué OG là. OG, il a eu. OG Anunoby, au point de vue des prestations, est clairement plus régulier. Ah oui. Et il répond aux attentes. C'est pas assez pour Mikal, on l'a payé on l'a payé dans le trade comme une deuxième option. Et il n'est même pas une troisième option. Mikal Bridges est un quatrième joueur de rotation qui va des fois te faire, qui va te sortir un gros match, les Spurs à Noël. Mais qui, après le reste du temps, va te sortir des prestations à 15-17 points. Il 15-17 a peut-être. points, il t'amène de la défense, il t'amène de la défense sur l'homme. Mais voilà, c'est un mec qui. Et je trouve que OG cette année, vraiment, il s'épanouit, quoi. Cette année, Et il fait. plus discret parce qu'il est moins star, moins mis en avant dans la communication, dans l'esprit aussi des gens, dans qui est-ce qu'on met en avant, c'est qui les trois gars qu'on met en avant. Bah, c'est pas OG. C'est pas OG parce que c'est pas dans son Ah caractère, c'est ouais, mais pas. OG, il fait pas des trucs, il fait pas des danses, il fait pas des machins. Mais OG, il est sérieux. Oui, tout à fait. Mais voilà, dans cette hiérarchie, je pense que, et on l'a dit, cette équipe, elle est construite comme elle l'est. Hein, il y a un moment, on doit faire le deuil de l'équipe de l'année dernière qui était différente, qui avait un caractère totalement différent, qui avait peut-être un meilleur équilibre. Là, on a tout un tas d'ailiers. Josh Hart, c'est un ailier arrière, on ne sait pas. En tout cas, il gobe plein de rebonds, il joue un petit peu sur tous les postes. Et cette utilisation de ces ailiers, parce que c'est ça qui pose problème. Parce que finalement, que Kat et que JB. Et leurs 35, 34, 35 ou 36 minutes de temps de jeu, ça choque en rien. Quand on regarde dans le ranking des minutes jouées dans la ligue, on a des joueurs qui sont au-dessus qui sont plus vieux, on a des joueurs qui sont en dessous qui sont plus jeunes. Brunson et Kat, c'est absolument pour moi pas le problème, c'est pas le débat. Il n'y a rien à redire sur l'utilisation de Kat et de JB, si c'est tant est que Kat il défend pas bien, tout ça, mais ces minutes sont temps de jeu, il est bien géré, il y a les backups qui vont bien. Par contre, sur ces ailiers, à la fois on a de la polyvalence, ils peuvent s'interchanger. Et des fois on voit Mikal qui sort et OG qui le remplace et inversement. Voilà, donc ça là-dessus, on a une sorte de rotation entre ces mêmes joueurs majeurs. Mais sur le banc, on n'a pas trouvé, on n'a pas été chercher, on n'a pas mis d'ailiers qui permettent de baisser ce temps de jeu de ces joueurs. Et c'est là où réside le problème depuis le début de cette saison. Alors Chamet, on le fait jouer. Et il a son temps de jeu qui est un petit peu en haut ces derniers temps, avec des performances plus ou moins bonnes. Alors oui, c'est pas fou, c'est clairement pas fou. Et je pense qu'il est sous-dimensionné par rapport à pas mal de vis-à-vis, par rapport à pas mal de match-up, qui font que tu vas pas mettre un Shamet sur Tatum en défense, quoi. On va prendre l'eau avec ce genre de confrontation-là. Donc ça va marcher sur certaines séquences, sur certaines équipes, ça va dépanner. Mais sur des grosses confrontations, bah, ça va poser problème. On a un temps de jeu aussi qui est peut-être en hausse. À titre Et d'info, tu vois, j'avais regardé l'année dernière, entre le 1er janvier et le 27 janvier 2024, Ouais, bah ce genre de. quand on a eu donc là, après le trade de Un OG Anunoby, effectif dense. On avait la profondeur qui permettait de. et puis ouais, donc avant la blessure de Julius Randle et Je suis d'OG Anunoby, parce qu'ils ont été quasiment au même moment. Et ben, quand tu regardes, Jalen Brunson est en 35 minutes 3. Hartenstein est à 33 minutes. Julius Randle est à 35 minutes. OG Anunoby est à 35 minutes. Dante DiVincenzo est à 25 minutes. Et on avait qui sur le banc Et sur le banc, tu avais Grimes à 18 minutes de Ah oui. moyenne. Josh Hart à 27-7. Achiuwa à 15 minutes 5. Et McBride à 16 minutes 1. Et Mitch était déjà sur la touche, hein. Mitch n'était Il pas était là. Il était blessé. là. En janvier 2024, il n'était pas là. Oui. Et après le trade de Grimes, bizarrement, ça s'équilibre. C'est-à-dire que tu as Jalen Brunson qui perd des minutes. Il se retrouve à 34 minutes. Hart, il passe de 27 minutes à 40. Et il intègre le 5. Dante DiVincenzo passe de 24 minutes à 38. Et Hartenstein, par contre, ben lui perd un peu des. Bizarrement, Hartenstein, il passe de 33 minutes à Bogdanovic avec 19 minutes. McBride, grand vainqueur qui double son temps de jeu de 16 à 30. Sims, qui est là et qui prend 13, et qui prend 13, 13, 13 minutes. Et Burks, 13 minutes. Donc, voilà, l'année dernière, au même moment en janvier, enfin pas au même moment, mais en janvier, on se retrouvait quasiment dans une situation similaire où Dante avait un peu moins de minutes que les autres, mais on se retrouvait avec 4 joueurs du 5 qui étaient au-delà des 35 000. Enfin, Ah bah, le temps de jeu de Dante, ses responsabilités, son utilisation, son apport a explosé avec la blessure de Julius et son intégration. Arte et Dante Ah, ils ont. sont passés quasiment 40 minutes par match. Oh, ils ont profité, ils ont produit et l'équipe a continué de performer. Elle a été chercher cette seconde place et c'est grâce à leur apport. Donc, malheureusement, Et la blessure de Grimes est intervenue le 6, donc c'est à partir du 6 février. Donc de février jusqu'à avril, Hart et Dante DiVincenzo ont quasiment joué 40 minutes chacun sur les 2 derniers mois de compète. Le problème est très complexe en fait avec Senix et malheureusement cette polyvalence d'ailier bah, aide pas en fait. On aurait un très bon ailier sur le banc, bah oui, ça permettrait de faire souffler réellement ces joueurs parce que là, ne pas faire jouer Mikal un match ou deux ou par-ci par-là, ça va pas baisser sa moyenne de temps de jeu. Là, Jalen Brunson, il va pas jouer pendant 10-12 matchs, sa moyenne de temps de jeu va rester stockée à ses 30-35 minutes, je sais plus combien il est. Qu'il joue ou qu'il joue pas, finalement, quand il joue beaucoup, et parce que c'est un joueur majeur du dispositif. Et qu'aujourd'hui, quand on dit, ouais, il fait pas jouer les joueurs du banc, oui et non, il fait jouer du Payne, il fait jouer du Mitch, avec un temps de jeu plus ou moins en progression, avec des performances plus ou moins bonnes. Mais en ailier, il y a qui, il y a quoi? Alors, il n'a pas donné sa chance à Dadier, c'est un fait. Collex, ça va pas remplacer du Mikal, ça va pas remplacer. Alors, ça peut remplacer du Payne. Mais ça règle pas le problème sur les ailiers. Le problème des Knicks, c'est qu'ils ont peut-être trop de bons ailiers polyvalents et que du coup, Tibbs les utilise Là, ça fait et. maintenant 2 saisons où on a une rotation à 9. C'est-à-dire que l'année dernière, ta rotation est toujours pareille selon mes critères. Hein. C'est-à-dire 40 matchs joués minimum dans la saison. L'année dernière, donc, tu avais en dégressif en temps de jeu, tu avais Julius Randle en 1, Brunson, Hart, DiVincenzo, Hartenstein, Achiuwa, Grimes, McBride et Sims. Et cette année, donc tu as Mikal Bridges, Josh Hart qui sont pareils. OG Anunoby, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns. Et après, Miles McBride, Achiuwa, Cameron Payne et Landry Shamet. Landry Shamet, il va les atteindre les 40 matchs. Pour l'instant, il est à 32 matchs. Il va les atteindre. Et il a pris du retard parce qu'il était blessé, mais bon, il a utilisé, il n'a pas l'air de voir son rôle disons. Et lui, il joue 12 minutes. Mais Landry Shamet, après, c'est le premier à sortir du banc en ce moment. C'est le premier. Ouais, mais bon, après, voilà, on n'aime pas les joueurs, ils sont utilisés, voilà. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas été chercher une sorte de TJ Warren et pas un PJ Tucker, histoire d'avoir un ailier avec un corps peut-être un peu plus dimensionné qui permettrait une meilleure utilisation sur des séquences défensives. Parce que c'est pas offensivement que le problème se pose, c'est défensivement. Et c'est là où l'énergie est dure à trouver parfois. Et que là, il pourrait peut-être rendre des services. Mais ça serait un test, un coup, un pari. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été le chercher? Il y a sûrement de bonnes raisons. L'année du retour en playoff en 2020-2021, tu as une rotation sur la saison à 10 avec Randle dans l'ordre des minutes jouées, Randle, Barrett, Bullock, Burks, Noel, Payton, Gibson, Quickly, Taupin et Knox. Tu me parles pas de Mitch? Il n'y avait pas Mitch? J'ai pas entendu. Et non, il était blessé. Ah merde, ok. Il était blessé. Ouais, mais Topin et Knox. Ah. Topin et Knox. Mitch revient là, il revient la saison suivante. Mitch, Mais voilà, il avait c'est un pas sujet qui est Mitch n'avait pas malheureusement joué plus là assez. complexe. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est malheureusement plus complexe que juste dire oh, Thibodeau fait juste rejouer ses joueurs. Oui, il fait jouer ses joueurs majeurs un temps significatif. Qu'on n'avait pas à me dire que Jalen Brunson qui joue 35 minutes, c'est trop, quoi. Parce que dans ce cas-là, bah, Kevin Durant, qui a 35 ans, qui en joue plus, ça veut dire C'est qu'il pas a aussi un ça problème. le. Non, mais c'est. Non, mais. Johnny, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, d'accord, comme tu dis, top 25. Le problème, il est sur les ailiers. Top 25 des Le joueurs. problème est là. Top 25 des temps de jeu NBA. Les Knicks, en effet, ont 5 joueurs dans le top 25. Ensuite, les plus représentés sont les Suns avec 2 joueurs, les Nuggets avec 2 joueurs, les Kings avec 2 joueurs et les Celtics avec 2 joueurs. Pour arriver au-delà des 3 joueurs, tu vas arriver au top 30 où tu vas retrouver les Kings de DeRozan Fox qui n'est plus là et Murray. Top 40. Sabonis, t'as Sabonis aussi qui est. Non, pardon. Non, pas autant de. Pas autant. J'ai fait le truc, pas autant de minutes. Pas autant de Bah, minutes. Sabonis, il est à. Alors là, il est blessé en ce moment, Oui, mais. mais il est à trentaine de minutes, hein. Oui, mais je te dis dans le. Je te dis dans le classement, dans le ranking des plus hautes minutes. Et dans le top 40 des minutes, donc tu vois les Knicks qui sont représentés donc avec 5 mecs, les Nuggets sont représentés avec 4 mecs, Murray, Jokic, Porter Junior et Brown. Karl Brown, lui, il fait partie voilà, des plus hauts temps de jeu. T'as les Celtics avec Brown, Tatum et White, deux Suns qui n'ont pas bougé, deux Heat, deux Sixers avec Maxi et Aubry Junior. Tu as deux Hawks avec Young et Daniel, deux Bucks, Lillard et Antetokounmpo. Et deux roquettes avec Van Vliet et Green. Voilà. Non, mais j'ai vérifié Sabonis, il a 35 minutes aussi, donc bon, bref. Mais Oui. oui, mais voilà, le problème, il est sur nos ailiers. C'est le seul problème. C'est le problème, c'est que nos ailiers sont trop utilisés. Après, OG, 200 millions, Mikal, 5 tours de draft, on parle des fois des prix, mais dans ça là, on va pas les faire jouer 25 minutes, quoi. Enfin, le sujet est complexe C'est ça alors, c'est et. ça l'explication? Bah non, mais. Et L'explication, c'est parce parce qu'on a, que. on a payé. Dans ces cas, quand tu regardes les autres salaires NBA, tu te dis, mais enfin. Non, c'est pas ça l'explication. Non, mais c'est normal que tu utilises tes joueurs majeurs. Oui. Moi, ça me choque pas. Et quel serait le bon temps de jeu de Mikal? Le bon temps de jeu de Mikal, c'est pas une question. Mais c'est pas une question. Toi, tu l'abordes en te disant, Bah, ah, parce que y a on. le bon temps de jeu et le mauvais temps de jeu. Ouais. C'est pas ça en fait. Parce qu'au final, si Mikal joue 34 minutes ou 33, il se retrouve pareil à être dans ce top 10, top 20 de ce classement des minutes jouées. Est-ce que ça changerait beaucoup de choses de jouer 2-3 minutes de plus par match? C'est de l'effort, c'est de la fatigue, c'est de l'accumulation. Certes, tout ça je l'entends. Et que peut-être manque de lucidité en fin de C'est match. pas. On nous dit, oh, ils vont arriver pété en fin de saison. Donc ça serait quoi le bon temps d'utilisation de ces joueurs-là en fait? Ben, peut-être. Et du coup, qui est-ce qu'on mettrait à leur place sur le terrain? Non, mais que quand Mikal Bridges va jouer 4 matchs ou 5 matchs consécutifs à plus de 40 minutes, Joanie. Oui. Non mais d'accord. Alors après, est-ce qu'il y a autant de matchs consécutifs à 40 Il minutes? y en a eu 3 ou 4, oui. Oui. Et c'est sur ces matchs-là, c'est des matchs serrés, c'est pas des matchs où on met Mais des je m'en blowouts ou on fous en dépasse de fait. 40 minutes. 40 minutes sur les 48. Et Josh Hart, c'est la même chose. Donc il Oh, faut t'as un mettre les banc ou joueurs. quoi? Donc à un moment donné, ben, Bah, ça te t'as choque un pas, banc. bah écoute, ça te Non, choque pas, bah t'as un attends, banc. voilà. Ça Qui te choque pas. faisons-nous jouer du banc sur ces joueurs-là? C'est ça. En termes de minutes, Mikal Bridges, il a joué 26 matchs à plus de 40 minutes sur la saison. 26 Oui, mais matchs à plus de 40! Et sur ces 26 matchs, quelle est la physionomie du match? C'est pas que des blowouts où on les fait jouer à la fin et on mène de plus 20. C'est pas Contre le cas. Washington, son plus haut temps de jeu, ça a été le 28 décembre. Il joue 46 minutes 39 contre Washington. On gagne de plus 4. Contre les Charlotte Hornets, on gagne de plus 24. Il joue, c'est son deuxième plus haut temps de jeu. Ah, sur ce match-là, Il joue je ne 46 l'ai minutes plus 30. précisément en tête. Il joue 46 minutes 30 sur un blowout de plus 24. Alors, celui-ci, je l'ai plus en tête, tu vois, c'était quand, tu dis? C'était le 5 décembre. Le 21 décembre, contre les Pelicans, on gagne de plus 11. Ils jouent 45 minutes. Contre les Brooklyn Nets, le 17 novembre, on gagne de plus 10. Ils jouent 45 minutes. Contre Utah, Non, on mais gagne de des matchs plus. comme. Non, mais on gagne de plus 16 contre Utah. Ils jouent 45 minutes le 1er Non, mais janvier. des matchs comme ça, il y en a. Il y en a. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Et c'est ça aussi qui fait que la moyenne est élevée. Il y a aussi des Non, mais matchs où on va en prolongation. tu poses la question, c'est quoi le bon temps de jeu? C'est pas ça le bon temps de jeu. Mais du coup, alors, par qui remplaçons-nous Mikal Bridges ou OG? Alors, OG, je vois bien du préchou ces derniers temps, son temps de jeu. Hein. Un coach est là pour coacher et il a aussi pour entraîner des mecs. Bah oui. Un coach est là pour faire gagner une équipe aussi. Bah, très bien. Est-ce Ouais. qu'il Bah, faut. Est-ce qu'il faut. je savais pas qu'il y avait une médaille en fin de saison. Bravo, Non! petit Bodo, tu as amené la troisième place. Félicitations. Tu as fait jouer tes mecs. Tu as fait jouer Mikal Bridges 43 minutes à plus 23 contre la Nouvelle-Orléans, contre l'Orlando. Bravo, c'est C'est vrai que pas une. ça méritait, hein. C'est pas une finalité, il ne faut pas être caricatural à ce point-là. Le coach, il veut faire gagner son équipe. C'est le problème de Thibodeau, il veut faire gagner tous les C'est le matchs. problème de Thibodeau, ouais. C'est le problème de Thibodeau, il veut gagner tous Voilà. les matchs. Il faudrait qu'il drop des matchs en se disant, bon, tel joueur, je vais le laisser sur le banc, au pire, on perd, c'est pas grave, je vais mettre, je sais pas qui, parce qu'en fait, c'est ça aussi le souci. Quel joueur mettre? Quel joueur mettre? Quel choix. Tu sais, il y a des entraîneurs à NBA qui ne se posent pas ce genre de questions. Ils ont un Et du groupe. coup, là, dans notre effectif, qui mettrions-nous à la place? Tu fais jouer un Dadier, un ailier, il est grand, il a un corps. Fais-le jouer, il faut bien qu'il joue à un moment donné, ce gamin que tu as drafté au premier tour. Fais-le jouer, donne-lui une dizaine de minutes. Mais c'est aussi de la responsabilité de Léon Rose. C'est aussi de sa responsabilité. Y a de ça, il y a de ça aussi. Et voilà, et le débat juste sur les minutes et le classement des minutes, il est malheureusement trop simpliste. Il est malheureusement trop simpliste. C'est pas Moi. juste, on va baisser le temps de jeu de 3-4 minutes, ça changerait absolument rien sur, il y a tant de joueurs dans le top 10-20, parce que c'est les Knicks, ça serait la même chose. C'est juste qu'il serait pas à 37 minutes, mais il serait à 35 minutes, 34 minutes. Ça changerait rien. C'est l'utilisation et c'est le Quand roster, tu c'est gagnes la profondeur de banc qui est un problème cette saison. le 1er janvier, non, c'est que t'as le coach qui les fait pas jouer, c'est tout. C'est pas une. Mais qui ne fait-il pas jouer? Mais je t'ai dit. Dadier? Ouais, bah déjà, c'est un ailier. Ça tombe Qui bien. d'autre? Bah déjà, c'est un ailier. C'est que Dadier en fait. Bah t'as DJ, alors là, t'avais pas encore ta mettre. Mais tu peux essayer d'organiser différents. T'es un coach. Tu peux essayer. C'est pas nous. Moi, je suis pas payé pour Début de ça, en fait. saison. Début de saison, on n'avait pas Mitch. Chamet a mis du temps avant de revenir. On n'a pas mis d'autres joueurs à la place. Est-ce que t'es C'est vrai. obligé le 1er janvier, quand tu gagnes de plus 16, de faire jouer? D'accord? Josh Hart, tu y joues 45 minutes. Mikal Bridges, 44-20-30. OG Anunoby, 40. Karl-Anthony Towns, 37-23. Cameron Payne, parce que Jalen Brunson n'était pas là, 35 minutes. Est-ce que tu es obligé de faire jouer tous ces mecs-là avec un aussi gros temps de jeu? J'ai absolument pas la physionomie du match en tête sur ce match-là. Est-ce que le match était accroché? Est-ce qu'il a été gagné facilement? Est-ce que à un moment donné, oui, effectivement, il y a des blowouts où il y en a quelques-uns, il n'y en a pas eu non plus des tonnes, où on se dit merde, il ferait mieux de sortir ses joueurs maintenant, ça sert à rien de laisser tel ou tel starter sur le terrain, ouvre ton banc, garbage time. Ça arrive. Je ne dis pas le contraire, ça arrive. Effectivement, il y a des moments où tu dis, eh là, voilà. Et en même temps, on le sait, garbage time, 2-3 minutes par-ci, par-là. Est-ce que c'est là où les jeunes joueurs du bout du banc progressent, apportent quelque chose? Ils font juste souffler, ils font juste souffler, certes. C'est déjà bien, on prend. Ok, mais c'est pas ça qui définit ta rotation sur tes 82 matchs en régulière. Et quand les matchs sont accrochés, en fin de match, tu te remets sur tes joueurs qui vont te faire Oui, gagner. Un en coach, fin il met ses meilleurs joueurs sur le terrain pour gagner, quoi. C'est aussi simple que de ça. Et façon après. épisodique, tes joueurs ils peuvent jouer des fois 40 minutes, d'accord? De Ouais. façon épisodique, pas tout le temps. Non Tu enfin tu il joue pas non plus tout le temps 40 minutes. Non, C'est il joue pas, c'était une façon de parler. contre Golden State, là on voit Mikal 38 minutes, match accroché, bon ok. 4, ils en jouent 30, bon, ok. Après, est-ce qu'il y a des problèmes de faute? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce que le banc est disponible sur le moment? Mikal Bridges est le joueur qui a joué le plus de matchs à 40 Ouais, il minutes les joue de la tous. ligue. Ouais, il joue tous les matchs et il a un gros temps de jeu. Donc Je peux c'est comprendre pas. qu'à un moment donné, il en ira le cul, le mec. Mais quand on le voit sur Sacramento, il en joue 34, tu vois. Donc des matchs où il va Bah y oui, avoir un mais gros temps de jeu, blowout, oui, ouais. ça va arriver. Ouais, bah blowout. Donc bah, limite, c'est bien. C'est bien. Et sur le Ouais, blowout, je t'ai ça sorti. donne de la latitude pour pouvoir ouvrir ton banc. Je t'ai sorti des blowouts où il avait joué 40, plus de 40 minutes. Ok, d'accord. Il y en a. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais le problème, il n'est pas juste que comptable de nombre de minutes. Tu poses la C'est dans question. la rotation, Mais tu poses la qui est son question. backup? Qui est son backup dans la Mais tu poses rotation? la question comment? On te répond, tu veux pas écouter. Non. Non, moi je pose la question, Si, c'est quoi la solution? ben on te la donne. C'est-à-dire. Pourquoi pas? Voilà. Donc c'est pourquoi Dadier ne joue pas. Le problème, c'est pourquoi Dadier ne joue pas cette saison. Lui, ou pourquoi tu vas chercher un PJ Tucker, tu vas pas chercher un TJ Warren? Ah oui, bah. Eh ben c'est une autre réponse. C'est dans ces cas, c'est la Pourquoi responsabilité est-ce de qu'on n'a Leon pas Rose. cherché un TJ Tucker, un TJ, ouais, TJ Tucker et pas un PJ Warren sur un 10 day Ben oui. qui va faire je sais pas quoi? Ben oui. Ouais, et il y a un problème de densité de banc, d'équilibre. Ça Et fait partie aujourd'hui, des le réponses. backup de Mikal, c'est peut-être du Shamet, c'est peut-être du Jarte à un moment, et c'est peut-être du OG. Ça fait partie des réponses. Ça fait partie des réponses de se dire pourquoi est-ce que à un moment donné on se On retrouve. avait Matt Ryan à un moment donné, mais bon, voilà. Mais On a du voilà. Beauchamp maintenant. Est-ce que ça va dépanner? En même temps, c'est un two-way, donc en playoff, ça aidera pas. Non. C'est pas Payne qui va dépanner à la place de Mikal. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes profils, c'est pas la même utilisation. Moi, comme je dis, après, hein, quand tu regardes un petit peu, t'as des coachs qui ont pas froid aux yeux et qui font jouer leur mec. Hein. Et c'est pas pour autant qu'ils sont nuls. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas des résultats. Mais à un moment donné, les mecs, ils ont des types. Et comme on dit, si tu veux voyager loin, ménage ta monture. Je suis pas sûr que quand tu arrives en fin de saison avec deux des joueurs, peut-être qu'ils ont un cœur énorme et ils le montrent, mais qu'ils se retrouvent avec 38 minutes sur 48, les deux plus gros temps de jeu de la NBA, avec 64 matchs joués pour un, enfin maintenant 65, et 62 matchs joués pour l'autre avec Josh Hart, je suis pas sûr que tu les mettes dans les meilleures dispositions pour affronter la joute des playoffs, où justement c'est là que tu dois être en haute intensité, tu vois? Donc moi je suis pas certain. Donc à un moment donné, tu as des coachs qui ont des idées et qui arrivent à sublimer des joueurs et à inventer des joueurs. Nous, notre coach, il sait pas faire ça. Nous, notre coach, il arrive à créer un groupe et à créer peut-être une unité, même si là, on voit que ça se délite un petit peu. Moi, j'estime qu'on arrive là en fin de d'expérience Tom Thibodeau et qu'il va falloir passer à autre chose parce qu'en fait, c'est... On ne peut pas continuer comme ça, ou en tout cas, on n'aura pas les résultats qu'on souhaite avoir dans ce cas de figure-là. Parce que il arrive en effet à créer quelque chose, à souder un groupe, mais je trouve que tactiquement et en termes de. Comment on pourrait dire ça, de révélation, pas de révélation Stratégie de talent, de pure. mais exploitation. D'exploitation de groupe, ben c'est pas ça, c'est pas lui, et c'est pas la NBA moderne. Tom Thibodeau, c'est pas la NBA moderne, et je pense il est plus fait pour ça. Il a été l'élément qui nous a remis sur la route, mais là actuellement, c'est pas possible. Et la nouvelle génération, qui est là par exemple, illustrée par Mikal Bridges, et ben petit à petit, ils expriment aussi un ras-le-bol par certaines choses. Alors voilà, moi c'est. Mon avis, on n'a pas le même, toi et moi on n'a pas le même. Voilà, moi j'estime que un groupe, il n'est pas forcément que sur 9, il peut être sur un peu plus. Et tu as le droit aussi en match, comme quand Josh Hart joue mal, et ben de dire Josh, allez, sur le banc, terminé. Mais ça, il le fait très rarement, très très rarement. Donc bon, après... Oui, le débat de Tom Thibodeau des minutes est simpliste. On en a parlé. J'ai fait des recherches, hein, j'ai fait des trucs. Je Non, me suis posé il est simpliste dans la façon dont les médias traditionnels veulent l'aborder, en fait. des questions, hein, là-dessus. J'ai comparé des époques, j'ai comparé des équipes, j'ai comparé les années entre. Et cette année, c'est vraiment l'année où il y a une telle Un différence, déséquilibre. un tel déséquilibre de répartition de temps de jeu. Dans le roster déjà qui est qui est plus restreint. Mais tu vois, tu te dirais encore, on a une rotation à 9 et tu aurais un autre joueur qui se. Un autre, tu vois, notre joueur du banc, Max McBride, 25 minutes, c'est bien. Precious, il est à 22, bon, même s'il va disparaître là, petit à petit. Mais Landry Shamet, c'est notre dernier temps avec 11 minutes. C'est pas assez pour une rotation à 9. C'est pas assez pour une rotation à 9. Donc, bon. Moi, je le vois pas par le prisme minute par minute. Oh, je le vois. C'est ce qui est souvent remonté. Enfin, pas toi, je dis ce qui est souvent remonté. Parce qu'on dit classement, il y a temps. Mais ce classement, il évoluerait avec une hiérarchie différente où on aurait plutôt Tyrese Maxey qui serait numéro 1 et Booker en 2 ou je sais pas quoi. On aurait ce même déséquilibre au sein des Knicks de la construction de l'effectif. Et le problème, il vient de là pour moi. Et malheureusement, il est souvent mis juste sous le prisme de les minutes égale temps et c'est trop. Non, c'est pas aussi simple que ça, et c'est en ça où ça m'agace, moi, ce côté simpliste de il n'y a pas assez de minutes. Et la solution, bah, peut-être qu'elle est de Dadier. Dadier, il a été blessé, Dadier, il est angélique, Dadier, il a été drafté, mais est-ce que les Knicks le voulaient vraiment tout de suite? Je sais pas. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a été chercher un PG et pas un TG? Et voilà, il y a des interrogations, il y a des choses qui me semblent pas Ouais, cohérentes. après Léon Rose, il a fait des choses bien, mais il n'est pas non plus exempt de tout reproche dans certaines choses. Et à la On a sûrement surpayé le trade de Mikal. Je ne parle pas du contrat d'OG parce que ben, on avait donné pour lui quand même du monde. On ne pouvait pas rester le bec dans l'eau. Il avait l'opportunité de partir chez un rival. On toute l'a cette histoire, payé. on la connaît, et du coup, ça limite les marges de Oui. manœuvre pour équilibrer ce roster, quoi. Ben, le souci, c'est que beaucoup parlent pour le roster, mais l'année prochaine, on n'aura pas une densité, enfin, on n'aura pas une flexibilité Pas beaucoup de marge. aussi importante parce que, pareil, j'avais regardé au niveau des salaires, tu te retrouves l'année prochaine en deuxième éperon. Tu n'auras plus Payne, Achiuwa, Shamet sous contrat. Alors, est-ce que ce sont les rookies qui vont monter dans la rotation? Et tu n'as On a vu plus. que Hugues Porty avait joué un peu, et est-ce que ça peut être une solution viable sur une saison 2 plutôt que sur une saison 1? Et tu À n'as voir. plus de. Tu n'as plus de. Et tu n'as plus de tour de draft. En fait, moi, mon souci vient de la construction de cette équipe. Et du coup, je me dis, en tant que coach, qui je fais jouer à la place de qui? On a drafté un Kevin McCullard. Je ne sais pas ce qui a été vu de sa part en scouting report, parce qu'il a été blessé très longtemps. Il n'a pas fait de Summer League, Training Camp, tout ça. Et il a refait quelques matchs en G-League. Bon, la G-League, ça vaut de la G-League. On va pas survendre le niveau de la G-League. Mais est-ce que les Knicks, ils avaient un plan un peu pour en faire un ailier backup quelque part? J'en sais rien. Mais du coup, on peut se poser la question de ce Voilà, casting. De Dadier, de McCullard. l'année Ça fait prochaine, des rookies pas chers, mais est-ce l'année que c'est prochaine, sans prêt? compter les RFA, UFA, donc les Restricted Free Agents Restricted et Free Agent. Unrestricted, donc sans les compter eux, hein, juste les contrats qui seront en vigueur, les Knicks auront la masse salariale à 196,3 millions de dollars. Ouais, ça fait beaucoup. Ce qui fait que tu seras à 47 millions au-dessus du salary cap. Tu seras à 15 millions au-dessus de la luxury tax et tu seras à 6,3 millions au-dessus donc du second éperon. Tu ne peux rien faire. Hein, en termes de marge de manœuvre, c'est un merdier pas possible. Donc oui, c'était bien d'avoir mis tout sur le starting 5. Alors on a des gens qui pensaient que Mitch allait réintégrer le starting 5, que Josh Hart allait décaler. Bon, voilà, 5-6 joueurs, voilà en tout cas. Mais encore heureux qu'on a un Miles McBride pour pas cher. Encore heureux Non qu'on a un mais, Miles McBride non pour mais, pas cher. non mais les gens pensent en disant, voyez, ça va, il faut trader Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, l'année prochaine, il prend 12 millions, c'est pas cher. Ouais, c'est un Le contrat, contrat dégressif. c'est un À pichet. voir si ça intéresse, qui s'intéresse pour Non mais tu vas récupérer avoir quoi, tu vas mais. voir non mais tu vas voir Ah ouais. qui à ce tarif-là? Bah en fait, c'est le souci, c'est qu'on a tout foutu sur. Et encore heureux, JP prend pas la blinde max. Mikal a prolongé. Voilà, et on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier. Un gros starting 5, des ailiers un peu interchangeables. Mikal, si c'est pas cette année. Ah, en fait, il va falloir. Si on le, Parce on qu'il l'attaque pas, il sera il a... unrestricted. Ouais, c'est l'année prochaine, ouais. Là, cette année, il a encore rien de contrat, ouais. Mais on va dire, la priorité maintenant, si on le prolonge, si on attend la fin de la saison d'après, il me semble qu'il est unrestricted et donc il pourrait aller tester le marché ailleurs, ce qui serait pas forcément une bonne idée pour la part des Knicks. Il lui reste un an de contrat à 24-9 l'année prochaine. Donc il est libre en 2026. En l'été 2027, il est libre. Quand on voit comment les négociations se sont passées pour OG et le fait qu'il ait maximisé sa négociation, on peut craindre pour Mikal. On a déjà mis 5 tours de draft, c'est pas pour le laisser partir au bout de 2 ans, quoi. Donc, sachant qu'il y a voilà, les poteaux de Nova, bon, est-ce qu'il fera une concession sur son salaire pour poursuivre l'aventure et tout? Ça risque d'être des négociations un petit peu compliquées. Mais voilà, ça limite la qualité de l'effectif dans sa globalité. Un starting five important, c'est bien. Un big three clairement identifié, eh ben, c'est pas clairement identifié pour les Knicks. Même si toi tu dis bah, c'est OG le numéro 3, je suis pas sûr que dans la tête de Mikal, il se voit pas numéro 3. Et Il pour joue autant, comme un même numéro jeu, est-ce que 3 c'est le alors. cas? Il joue comme un numéro 3. Et on peut peut-être l'installer, mettre dans cette position numéro 3, et pour autant, il a des performances qui ont montré de l'irrégularité cette saison. Sa réinvention de shoot, ça n'a clairement pas aidé. Mais pour autant, ça nous fait pas un banc. Et est-ce que c'est les rookies qui ont peu joué cette saison qui deviendront responsabilisés la saison prochaine pour produire un Ah, au banc? point de vue des finances, Idéalement, ça serait ce scénario-là, mais c'est pas ce qui s'est fait cette saison de Mais par l'utilisation de développement. vu qu'il joue pas, Avec Porty a joué un petit peu et s'est blessé. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas compter sur lui. Colec, ça a très peu été utilisé. Est-ce qu'un départ de Payne libérerait du temps de parce jeu pour que Colec? la dernière fois on me disait un space, ouais, mais regarde, d'habitude les rookies jouent plus en saison sophomore. Alors après, Ouais, on est, voilà. après c'était dans un cas Pourquoi différent, pas? mais t'as Quickly et Taupin la première année, ils jouent 64 et 62 matchs. Tu as Quentin Grimes et Miles McBride, leur première année, ils jouent 46 et 40 matchs. Donc, quasiment un match ou plus d'un match sur deux. D'accord? Avec Collègue, il y a quoi? Une trentaine de matchs à peine et des miettes, quoi. Et voilà. Jericho Sims, il avait sur sa première année, il avait joué aussi 41 matchs. Il avait joué 41 Ouais, mais c'était la doublure de Mitch qui fait des fautes ou qui se matchs. blesse. Donc, Et Quentin Grimes, il avait joué, donc. Pour sa première saison, 46 matchs et 17 minutes de moyenne. C'est le même nombre de minutes que Payne. Tu vois? Donc, Mais. donc non, en fait, il n'y a pas un sophomore. Quand, en Pas fait. chez Tib, mais après, au global dans la NBA, Non, des mais fois les rookies passent un cap. c'était ce qui se disait en Space. En Space, il disait, Thibodeau fait jouer plus ses rookies en année sophomore. Après, c'est sûr que l'année suivante, Grimes, il joue 71 matchs à quasiment 30 minutes de moyenne l'année d'après. Mais quand même, la première année, il l'a intégré et il a joué quasi. Mais McBride, il joue 10 minutes pour 40 matchs. Il joue très peu sur le début, quoi. Ouais, Il fait beaucoup mais. plus d'aller-retour en G-League. Ouais, mais 10 minutes sur 40 matchs. Tu vois? Donc, il a joué. Il a plus joué de temps de jeu en année rookie que Colec. Mais en fait, on est sur des profils aussi de joueurs défensifs, qui ont des qualités défensives, qui ont surtout eu des missions défensives au début, et qui se sont développés soit un shoot à 3 points pour McBride avec le temps, soit Grimes, d'autres facultés qu'il a plus ou moins mettre en avant. Bon, il était en relais d'Evan Fournier. Ça contrastait aussi un petit peu sur certains aspects du jeu. Voilà, chaque situation est différente. Là, sur les rookies qui ont été draftés cette saison, Hugues Porky, on a vu de belles choses. Ça Ils reste un étaient rookie, ça reste tendre. Il s'est blessé pas un moment idéal pour lui. Est-ce qu'il aurait eu plus de temps de jeu? Là, avec le retour de Mitch, c'est compliqué de voir la hiérarchie. On le voit pour Precious. Precious, il perd du temps de jeu. Dommage. Parce que c'est un joueur qui s'est montré valeureux et qui, quand il a joué, des fois, c'était du 30 minutes par-ci, par-là. Donc voilà, Thibodeau sait l'utiliser. Achua, c'était pas trop mal, hein, mais c'est vrai Non, que là c'est un role player correct en sortie de banc. Voilà, en première option, ça pouvait être compliqué en termes d'intérieur. Mais McCullard, Dadier et dans un registre différent, Colec, bah, on est un peu dans l'incertitude sur ces joueurs, sur ce qu'ils ont vraiment en magasin. Dadier a été blessé. On a tendance à l'oublier, même en G-League, il jouait plus parce qu'il était blessé. Donc. Ouais, mais Dadier, quand tu regardes même ses prestations, pour avoir pu un peu regarder La G-League, la G-League t'aimes te faire mal. de façon non traditionnelle quelques matchs, c'était pas non plus. Comment Collet qui tourne un double-double, un G-League. Il Ah, c'est tourne pas le même c'est pas le même profil, le même poste, un meneur. 12 ou 12 ou 13 points, 10 passes, un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il a des qualités, Tyler Colec. C'est pas du tout ce qu'on dit. Il pourrait peut-être jouer, effectivement, mais aujourd'hui, il est barré par Jalen Brunson, limite normal qu'il passe pas devant dans la rotation, et par Cam Payne. On aime ou on n'aime pas Cam Payne, il a plus d'expérience, il a un profil un peu plus grand en termes de centimètres. On va dire, oh, la taille, ça sert à rien. Bah, ici, un petit peu, quand faut défendre, si tu as des segments un petit peu plus longs, ça peut aider. Il a ce côté un peu vicelard, un peu teigneux parfois, qui manque un peu à Senix. Et je pense que c'est ça qui fait défaut à Colec aujourd'hui, c'est le fait qu'il passe après Payne. Il passe même Et voilà après pour. Dylan White. C'est-à-dire Ouais. dans le blowout contre Sacramento, c'est Dylan White qui rentre avant lui. Ouais, il l'a pris parce qu'il voulait le tester, je sais pas, mais ouais. Mais voilà, dit autrement, il est barré aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il n'obtiendra pas de temps de jeu. Si Payne part l'année prochaine, peut-être que Colec est la doublure de Brunson. Ça, faut pas oublier cette possibilité-là. Mais tout ça nous fait que c'est pas plus des ailiers. Et Mac Cullard, qu'est-ce que ça vaut? Joker, on sait pas. Peut-être que c'est un crack, on n'en sait rien. Il vient de faire On l'a 24 pas ans. vu. Il vient de faire 24 ans là. Ouais, par contre, c'est un crack. Bah, voilà, il va sûrement être NBA ready en termes de corps, ça, c'est certain. Dadier, est-ce que ça frappe shit? On verra. C'est Stéphane Bondy qui évoquait ça par rapport au débat autour de Thibodeau et de ses minutes, qui disait il y a déjà eu des joueurs qui ont été, entre guillemets, placardisés par Thibodeau. C'est pas la première fois. Kevin Knox, Cam Reddish, Evan Fournier dans un autre registre. C'est des joueurs qui n'ont pas forcément non plus explosé ailleurs. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a des joueurs que pour autant ils rentrent dans les qualités attendues par Thibodeau. Pour qui il parlait? Cam Reddish, c'est pas non Non, non, plus non, non, mais pour quel joueur il parlait? Kevin Knox, il sortait Mais Cam Reddish. il comparait ça à qui? À quel joueur du roster actuel? Non, non, il parlait pas du roster Ah. actuel. Il disait qu'il y a des joueurs qui s'étaient retrouvés à ne plus jouer ou à très peu être utilisés et que pour autant arriver dans d'autres équipes. Ça n'avait pas forcément non plus une explosion, une révélation. Peut-être que leurs temps de jeu sont similaires et la production statistique est la même. Donc voilà, Mais c'est un. il parlait par rapport à personne, juste comme ça, parce que ça Non, sorti, bah, il évoquait par rapport il y a à. pas de contexte, parce que je comprends pas Si, cela. si, si, si. Il évoque le fait qu'il y ait des rookies ou des joueurs qui ne jouent pas dans l'effectif actuel et qu'il y a sûrement des raisons pour lesquelles ces joueurs ne jouent pas. Oui, mais C'est attention, parce que pas. c'est différent. Un rookie, tu l'as testé, normalement. Surtout qu'en plus Thibodeau, Nickel, Summer League, ouais. Il y a eu les workouts, il y a les machins, il est présent, il regarde. Ils ont drafté, ils sont allés les chercher, ces mecs-là. Donc, Ouais. si ils jouent pas, c'est quand même plutôt étonnant dans le sens où tu es allé chercher ce profil-là. Mais de toute façon, Mac Cullard, je sais pas pourquoi on a été drafté un mec qui est Pourquoi est-ce que blessé. Je t'es sais pas pas allé ce qui a été chercher vu un... dans les Pourquoi est-ce que séquences de t'es scouting. Pourquoi t'es allé chercher un pack comme Dadier alors que tu avais testé deux fois Ryan Dunn qui correspondait 100 000 fois mieux au profil de Thibodeau? Ça, je pense qu'il y avait indirectement cette histoire. On va le stage, il va Eh rester oui. en Europe. Et on va Et lui a dit économiser du non, il va salaire. forcer la main et on va économiser du salaire qu'on mettra sur un autre joueur, peut-être un vet ou je sais pas, qu'on pourra utiliser. Je pense qu'il y a des choses aussi dans la construction sur l'été. Le choix de draft de Mac Cullard, ça reste du second tour. Mais il est blessé, il fait rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez lui? C'est sûrement un crack. Sûrement un crack. Mais. Tyler Collect, tu vas clairement le chercher. Non, monte à la draft pour aller chercher. Il a des awards en tant Tu vas. que Non, mais joueur c'est ça. NCAA. C'est que tu fais quand même un move. Tu fais. Non, tu vois encore les autres. Une opportunité de fin de second tour. Ça coûte pas Ça mange pas de grand-chose. pain. Voilà. Ouais. Donc tu dis Macula, Rick Porti. Ça marche, tant mieux, ça marche pas. Allez, c'est pas grave, ça coûte pas grand-chose. Collecte, tu vas le chercher. Je le répète. Ouais. Donc. Oui. Ouais, mais sur un poste aussi qui est déjà bien Ouais, fourni. mais bon, regarde, c'est comme quand tu sais à l'époque. Quand on parlait de Frank Ntilikina et que chaque année on lui mettait des mecs dans sa rotation, on lui mettait des Moody, on lui mettait des qui c'est qu'il y avait d'autres là, des Jack, Treburk. qui Treburk. Trey Burke, tu vois, donc tu lui mettais des mecs, donc forcément c'est vrai que pour son évolution, après bon, c'était une autre, c'était une autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour son évolution, lui mettre des mecs dans, je suis pas sûr que, tu vois. Alors peut-être que l'année prochaine, c'est lui qui prend la place. Et Mais mais en tout cas, tu vois, l'année dernière, ça règle pas notre problème d'ailier. l'année pour Grimes, il est instauré dans la rotation. On s'était dit pas trop mal, et après l'année d'après, boum, il prend la place à Evan Fournier. Là, en fait, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'élément qui te laisse penser que l'année prochaine, c'est lui le Non, backup. Il n'y a rien qui te laisse penser ça. clairement pas, clairement pas. Voilà. Bon, vous voyez, très très gros débat. Bon, après une petite interruption technique, on va mettre fin au gros débat. Je pense pas que le débat soit fini fini. On devrait en reparler encore un bon paquet de temps et peut-être jusqu'à la fin de ces playoffs, de ces histoires de minutes avec Tom Thibodeau. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui anime la toile, les observateurs plus ou moins assidus à l'observation des matchs. En tout cas, nous, pour sûr, c'est un sujet qui nous anime. On n'est peut-être pas forcément d'accord, on n'a pas forcément les clés de la solution. Les clés de la solution, elles viennent sûrement du coach et des joueurs. On verra en tout cas où tout ça nous mène. En tout cas, depuis quelques semaines, quelques matchs, quelques semaines, j'exagère, quelques matchs en tout cas, c'est Deuce McBride qui est maintenant le meneur titulaire des Knicks. Il a un temps de jeu qui est comparable au temps de jeu qu'avait Jalen Brunson lorsque Jalen Brunson pouvait officier. On n'a pas de collègue, bien sûr, on a toujours Payne. Et puis, bah voilà, Jalen Brunson remplacé par Myles McBride. Et des Knicks qui défendent un peu mieux. Alors bon, on va peut-être pas faire un raccourci en si peu de matchs, mais Josh Hart, lui, on lui a posé la question et il a osé dire que c'était en l'absence de Jalen Brunson. Quel coquinou ce Josh Hart. En tout cas, voilà, il y a le retour de Mitch aussi qui joue peut-être un petit peu, et puis des matchs un peu plus accrochés. Une façon dont les matchs se passent avec les Knicks qui est un peu différente depuis le retour. Depuis la blessure de Jalen Brunson, et ça, on l'a vu, ça a souri à d'autres joueurs, en l'occurrence Mikal Bridges, pour pas le citer, lui qui joue beaucoup, mais qui joue mieux, et ça, c'est pas plus mal. Il nous a gratifié d'un beau buzzer beater, on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et justement, voilà, après un gros débat, maintenant on va revenir sur la rétrospective. La semaine dernière, il y avait trois matchs à jouer. La semaine d'avant, on était sur un 0-3, c'était bien moche. La semaine d'avant-avant, on était sur un 3-0. Et là, cette fois-ci, eh ben, ça sort un petit peu mieux. On s'en sort un peu mieux sur cette fin de road trip à l'ouest. La Californie du Nord qui sourit plus que la Californie du Sud pour les Knickerbockers, en tout cas. Enfin, faut le dire vite parce qu'à Golden State, c'est toujours compliqué. Enfin, San Francisco. La semaine dernière, ça commençait à Sacramento. Sacramento qui était en sortie d'un back-to-back avec prolongation. Forcément, on les cueillait avec peut-être un peu un avantage par rapport aux autres. Le retour de Mitchell Robinson aussi, puisque là, pas de back-to-back, il pouvait jouer. Starting 5 qui n'a pas changé. Hein, on reste sur les mêmes joueurs depuis la blessure de Jalen Brunson. Et les Knicks qui ont infligé ni plus ni moins qu'un blowout. Et ça fait plaisir pour se relancer après quelques défaites, une petite victoire à l'aise, large. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça permettait de relancer la dynamique des victoires. Et puis, un peu quand même, sur un blowout, d'élargir le banc, la rotation. On est sur des temps de jeu le plus. C'est OG, hein, 37 minutes sur cette rencontre-là. Mais sinon, c'est assez équilibré entre un Josh Hart à 31, un McBride à 32, un Mikal à 34. Et ça, c'était avant sa sortie dans les médias. Un Karl-Anthony Towns, plutôt gêné par les fautes, mais 28 minutes. Il a eu l'occasion de faire 26 points et 9 rebonds. Voilà, un starting 5 qui a plutôt bien marché. Le banc, ils ont joué. Certes, ils ont eu des minutes. En dehors de Campaign qui nous fait 6 points, c'est plutôt discret. Si, non, je dis des bêtises, il y a Landry Shamet qui nous fait un bon match sur cette sortie-là. 24 minutes et 13 points. Voilà, Landry Shamet, il y a du bon et du moins bon. C'est assez irrégulier aussi sur cette rencontre. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Des Kings qui sont en totale restructuration, hein, depuis leur mouvement de l'intersaison et aussi en l'absence de Domantas Sabonis. C'est Jonas Valanciunas, JV, qui à un moment donné, pourquoi pas, était dans les noms qui revenaient régulièrement du côté des Knicks. Finalement, Leon Rose n'a pas pu aller le chercher. Et quand je vois le montant du contrat, c'est une sorte de Mitch. Donc voilà, ça n'aurait pas forcément donné beaucoup plus de marge de manœuvre pour un pivot bah, qui a un profil qui peut-être est plus offensif que défensif. Et on sait que les Knicks avaient besoin de défendre plus que d'améliorer leur attaque. Bref, sur ce match, Sacramento, je ne sais pas quel souvenir tu en gardes, si ce n'est que c'est un blowout et que ça s'est bien passé. faisait longtemps. Ça faisait... Le dernier blowout, il remontait il y a quasiment un mois. C'était ce que j'étais en train de regarder contre Indiana, où on avait gagné de presque une quinzaine de points. Tu vois, donc, et après ça, ça avait été que des victoires étriquées, que des victoires étriquées. Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu as parlé de, juste avant de Miles McBride et compagnie, et tu vois, c'est marrant. C'était son deuxième match en tant que titulaire. Ouais, il avait ouais, été titulaire ouais, sur le match face aux et Clippers. C'est en ça. Tu sais, j'attendais ton petit Bodo sûrement sur le coaching. Je me dis, tiens, il va manquer Jalen Brunson. Comment ça va Comment il va se réinventer Et bien, en fait, il ne se réinvente pas. C'est-à-dire que en fait, tu te retrouves avec McBride qui récupère les minutes de Jalen Brunson. Et Landry Shamet qui récupère, lui, les minutes. Le turnover et les minutes de McBride. Donc au final, il n'y a pas plus de coaching que ça, puisque là tu te retrouves avec un Landry Shamet qui joue de nombreuses minutes et qui en jouait pas autant il y a encore quelques matchs. Et qui joue plus sur un poste 2 qu'un poste 3. Et ben oui, parce que c'est quand même plus son profil. Et ben forcément, puisqu'il a récupéré la rotation de Miles McBride. Donc en fait, vu que McBride joue 2, ben, Shamet joue 2. Donc c'est en ça en fait. Il a juste transversé vasé les minutes des uns pour les autres. Et puis voilà. Donc non, après match, oui, match. J'avais un doute moi au départ parce que je m'étais dit, tiens, bon, c'est vrai qu'il manque Sabonis, l'équipe en back-to-back, mais notre équipe, qu'est-ce que ça vaut véritablement? On allait voir ce que ce groupe avait dans le ventre. Bah écoute, bien, non, bien, bien, un match maîtrisé de bout en bout avec un petit et peu un bon, de. Un bon Juice. Juice, 21 points, 7 passes. Ouais. Mais quand Juice est bon. Des bons pourcentages. Quand Juice est bon, c'est tout de suite sympa. Moi j'avais un doute. Meilleur minus sur le match en plus, en plus 32. Ouais, j'avais un doute sur Miles McBride vis-à-vis de sa titularisation en tant que meneur. On l'a moins vu jouer en tant que meneur depuis toute cette saison et même la saison dernière. Il était plutôt sur un poste de combo guard et décalé plutôt sur le poste 2 où il score et il crée pour lui plus que créer pour les autres. Et bien là, sur ce match-là, sans parler de sa défense, hein, sa défense elle est toujours très très appréciable, mais sur ce match-là, il a su créer pour les autres, il a su aussi distribuer le jeu avec ses 7 passes décisives, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, il faut le dire, nos ailiers aussi augmentent leur niveau de jeu. Et nos ailiers stars, les fameux, c'est qui le troisième du Big Three, OG ou Mikal? Bah, les deux, là, on est sur une belle contribution. Et surtout, un OG Anunobi, sur lequel je regarde souvent la contribution au rebond, bah, là, il a 7 rebonds, 8 passes, 24 points de bons pourcentages. Mikal, 8 passes aussi. Voilà, on a un jeu qui est peut-être plus collectif. C'est bizarre, mais enfin bizarre, oui non. C'est bizarre de noter ça, mais plus collectif depuis la blessure de Jalen Brunson. Donc un peu moins d'ISO, un peu moins de Hero Ball. Il manque le patron. Il manque le patron, donc maintenant on se solidarise. Et on l'a vu. On l'a vu qu'il manque le patron. Sur le deuxième match de la semaine, on monte un peu plus au nord dans l'ouest américain, Portland, Oregon, une franchise qui était chère à. Mais sinon, juste deux petits mots rapides. Sacramento, c'est d'une tristesse. Tu refais dans le même pot Bulls, une équipe des Kings. Donc avec en fait une recette qui n'a pas marché du côté du lac Michigan, là tu le refais sur la côte ouest, ben forcément ça marche pas mieux et c'est quand même d'une tristesse. Enfin, il va falloir qu'ils revoient aussi quelques trucs parce que ça marche pas en fait toute leur histoire là. Enfin, c'est. Est-ce qu'ils vont accrocher péniblement leur play-in? Alors peut-être qu'il leur manque Vucevic pour être à fond dans le projet. Switcher Sabonis avec Vucevic peut-être. Chicago Kings, mais non, mais c'est vrai que voilà, bref, c'est juste pour dire que c'est quand même dommage pour cette franchise-là. Moi, je l'aime bien cette franchise et oui, forcément, toi t'aimes bien les Lakers, mais. Les Kings, ouais, c'est dommage ce qu'ils font là, c'est dommage. Bah, on sent qu'ils sont au tournant d'un cycle, et il y a des rumeurs sur un départ de Sabonis cet été. Alors je crois qu'il doit être sous contrat, mais voilà, est-ce que le management aura envie d'aller plus loin dans son projet. Quel est son projet, ça? C'est bien difficile à dire. En tout cas, dans une conférence Ouest qui est de plus en plus concurrentielle, en tout cas, ça semble compliqué pour eux, en tout cas. Ça semble compliqué pour eux. Et ben, en tout cas, c'est une victoire, la deuxième de la saison face aux Kings. Et ça permettait de se relancer. Un match plus compliqué dans l'Oregon, un peu plus au nord de ces États-Unis et de cette conférence et cette côte ouest. Des Kings, des Blazers qui, eux, au contraire, malgré leur classement qui est très compliqué dans le ranking de l'Ouest, bah, jouent beaucoup mieux ces derniers temps. Alors bon, il y a eu beaucoup de micmacs autour de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, vous avez ça? Ayton. Chercher son prénom. On a retrouvé un Scoot Anderson. Ouais, j'y arrivais. En sortie de banc, moi, je m'attendais effectivement à le voir responsabilisé dans le starting numéro 5. Je n'ai pas suivi. Deux, même numéro 2, derrière oui. Victor et c'est devant Brandon Victor. Miller. Ouais. Ah, Brandon deux. Miller, le numéro 2? Non. Ah. C'est ça, si, c'est Brandon Miller, numéro 2, et lui, le numéro 3. Bref, bon, ouais. En tout cas, un haut choix de draft qui était attendu très très haut. Bon, une saison recrue compliquée. Il, là, avait, une match, grosse, il avait une grosse hype, ouais. Sur ce match, il nous a donné quelques difficultés quand même. Et un match qui a été quand même beaucoup plus accroché que le match face aux Kings. Comme quoi, c'est pas parce qu'une équipe est moins bien classée qu'elle peut pas mieux jouer qu'une autre mieux classée. Mais ils ont une belle équipe, Portland. Ils ont une équipe sympa, hein, Portland. Ça reste assez jeune et il y a des blessures aussi qui les aident pas en ce moment. Mais et il reste digne. En tout cas, ça a été un match très compétitif, très physique, très hargneux. Enfin, hargneux. Quand tu vois qu'il leur manque, Jeremy Grant, Robert Williams joue pas alors qu'il pouvait jouer, il ne devait pas jouer. DeAndre Ayton out et Matisse Thybulle qui est également de retour. Quand tu regardes avec leur rotation, avec Avdija, Klingham, Kamara, le bon défenseur, Simon, c'est Sharp, plus des Chris Murray qui sortent du banc et des Scoot Anderson. Et tu sais qu'eux, ils ont une petite équipe aussi. Ils me font penser dans leur évolution au niveau de leur reconstruction. À Détroit ou à Toronto, ouais. Mais ouais, je pense des Detroit Pistons. Je pense que l'année prochaine, il peut y avoir un petit step-up l'année prochaine pour eux, je pense. À voir s'ils gardent toutes leurs pièces et tout, et toujours dans une conférence ouest très disputée. Mais oui, un Matisse Thybulle, alors il faudrait voir le contrat, il faudrait voir les volontés du garçon, les volontés de son front office, mais ça pourrait être une recrue qui serait plutôt intéressante côté Knicks. Encore faut-il pouvoir aller chercher ce type de joueur. Mmh. On verra. Sur ce match, un match accroché, disputé, qui va même jusqu'en prolongation. Ouais. On a eu chaud, on a souffert. On s'est régalé, oui et non. On aurait préféré avoir un match plus tranquille, plus... plus paisible, ça a été un match accroché, une prolongation, et c'est le fameux match qui suivait les déclarations de Mikal dans la presse. Alors bon, Thibodeau aurait pu faire sa tête de CON et dire bah ok, tu veux pas jouer, enfin tu veux pas jouer, tu veux moins jouer, tu joues pas. Non, ça aurait été le cas. Non, il aurait pas fait ça. Ça, j'ai jamais cru à cette option. Un autre coach, peut-être avec beaucoup plus d'ego, aurait pu avoir ce genre de comportement. Ça n'a pas été le cas, malgré les incompréhensions. On en a parlé, mais non, on n'en a pas parlé. Mais si on en a parlé, bon, bah parlons-en de cette histoire de minutes. Sur ce match, bon, on a le même starting five. Ça ne va pas changer de toute façon de la semaine et jusqu'à un retour de blessure. On a des temps de jeu conséquents, mais bon, prolongation, forcément, 5 minutes de plus, ça rajoute sur les temps de jeu. Et puis on a surtout le Mikal Bridges Game. Là-dessus, au-delà de son buzzer beater qui est exceptionnel, certains diront il a marché, la NBA a fait son review des deux dernières minutes et ils ont dit non, il n'y a pas marché, ok, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a ce buzzer beater, mais il y a aussi cette prise de responsabilité tout le long de la rencontre. C'est un peu Mikal qui a porté l'équipe sur ses épaules à différents moments de la rencontre. 33 points pour lui, meilleur scoreur des Knicks sur cette rencontre. Carl Anthony Towns, il fait son match, mais il ne pèse pas dans la rencontre de la même façon. OG Anunoby, encore une fois, très bon, 23,7 rebonds. Josh Hart, c'est du bon Josh Hart, s'il ne faut pas trop regarder les pourcentages, hein, 4 sur 14 au shoot, c'est moins bon, mais 11 points, 11 rebonds, 9 passes. Ah, il n'était pas si loin que ça du triple-double. Dommage, Josh, ça sera pour une autre fois. Surtout que Portland, tu connais, c'était chez toi il n'y a pas si longtemps que ça. Les Knicks qui n'ont pas perdu un match face aux Blazers depuis le trade de Cam Reddish, Josh Hart. série en cours. Il restera encore un match qui se passera au Garden face à ces Blazers. On espère que la série victorieuse va continuer. Voilà, et donc un match qui va jusqu'en prolongation. On a eu chaud, on a eu peur. Le banc, Chamed 20 minutes, Mitch 19 minutes. Bon, ok. 4 fautes. Non, ce qui est dommage, c'est que ce match déjà aille en prolongation. Parce qu'à 40 secondes de la fin, tu mènes encore tu mènes de 5 points. Donc c'est quand même. Y a 100, et des grosses erreurs. Il y a 106-101 à 47 secondes de la fin. C'est un match normalement que tu dois plier, surtout contre Portland. Bon, tu te fais revenir, et voilà. Mais la prolongation et l'erreur de Josh Hart. Qui a la remise en jeu, pied sur le terrain, alors que. Waouh! Wow. Ouais, il a failli le perdre. C'est vraiment jouer avec le feu, quoi. À ce niveau-là, c'est pas possible, quoi. Et alors après, marcher, pas marcher sur le 3 points de Mikal Bridges. La NBA dit qu'il n'a pas marché. Il prend le ballon, il enchaîne deux pas, il fait son dribble. Bon, pourquoi pas? On serait fan des Blazers, on aurait le seum. Pourquoi pas? On aurait dit non, mais il a marché là. Ouais, la NBA après, qui dit non, bon, allez. C'est quelques jours après le panier de Tyrese Haliburton qui, pareil, oui. Un peu bouge les jambes bizarrement. Et ça va trop vite pour eux. Après, donc, bon écoute, ça nous a souri. Il marque ce 3 points. Ça lui a fait du bien, je pense, au moral. Voilà, on prend ce match. J'ai envie de te dire que, quelque part, le match de Sacramento, c'est un peu l'anomalie de ce dernier mois. C'est-à-dire que ça, c'est les Knicks qu'on a depuis un mois, quoi. C'est accroché contre n'importe qui. Ouais, bousculé, accroché. Ça balbutie, ça... et tu vois, et c'est là en fait où tu te dis, putain, tu vois, Jalen Brunson, dans ce genre de match, ça sécurise en fin de match. Quoi. Là, tu mènes de 6 points à la fin. Si t'as pas Josh Hart qui fait n'importe quoi, bon, pas là sur la map, pas là, mais on l'a vu qu'il avait, il avait déjà fait un peu. C'était entre Kat et Mikal où ça va en prolongation sur la remise en jeu. C'était contre qui? Ouais, 4 Mikal. Ouais. C'était pas contre les Nets ou... Bon, bref. Ouais. C'est pas la première fois qu'il y a des erreurs, effectivement, ouais, d'exécution. Ouais, on tremble, hein, lorsque le match est serré, qu'on a la possession. Certains vont dire c'est un manque de lucidité. Non, je pense pas. Enfin, là, c'est juste... Il panique. Il y a un coup de panique. Ah ouais, ça panique. C'est de la panique. C'est pas je suis pas lucide, je fais pas le bon geste au bon moment. C'est... Pourquoi est-ce que tu remets en jeu là alors que tu as le défenseur qui est juste à côté, quoi. Fait une remise en jeu plus lointaine, quoi. Enfin... Donc, bon, on gagne. On s'en sort bien, pas mieux. On s'en sort très bien. Ça, ouais, ça équilibre le road trip à 2-2 à ce moment-là. Deux matchs perdus contre les équipes de Los Angeles, deux matchs gagnés contre Sacramento et Portland. Et ben, le juge de paix et le match suivant. Qu'on attendait tous. Mais avant de parler du juge de paix du match suivant, c'est un match qui est doublement important, celui-ci, parce que voilà, il y a eu ces fameuses déclarations de Mikal, on en a parlé longuement, et juste après, il y a ce match-là de Mikal, il y a cette action, il y a le fait que Mikal fasse gagner. C'est pas la première fois qu'il est clutch aussi. On n'a pas Capitaine Clutch, on n'a pas Jalen Brunson, mais il a été clutch sur Vucevic lors d'un contre sur une action défensive face aux Bulls. Il a été clutch face aux ses anciens coéquipiers de Brooklyn, aussi, avec un autre contre. Voilà, donc il a pris ses responsabilités. C'était intéressant de voir qui, en fin de match, allait faire gagner les Knicks. Est-ce que c'était plutôt Karl-Anthony Towns? Ben non, là, ça a été Mikal. Eh ben super, ça a permis d'apaiser un petit peu le début de tension qu'il pouvait y avoir. McBrin qui lui pose la question, bon alors ça va, 43 minutes, ouais c'est bon. Genre, la question coquine pour finir la rencontre, et fort heureusement c'était sur une victoire. Mais voilà, est-ce que Thibodeau a fait un système pour Mikal? Est-ce qu'il a fait confiance? Est-ce que ça rebooste la confiance de Mikal? Eh ben, je pense qu'on avait besoin de ce genre de match. Malheureusement, bon, prolongation, on aurait préféré le gagner en temps réglementaire. Mais ça redonne aussi peut-être du crédit aux capacités de Mikal. Voilà, marché, pas marché, on en a parlé. Les arbitres ont décidé, les arbitres n'ont pas sifflé un marché. Et les Knicks gagnent, remportent cette rencontre. Ils l'auraient perdu, ça aurait été une toute autre analyse, une toute autre appréciation, parce qu'on aurait dit, voilà, les Knicks sont dans la difficulté, les Knicks sont incapables de gagner face à des Blazers mal classés. Oui, ils sont mal classés, ils jouent nettement mieux qu'on pourrait le croire au regard de leur bilan. Et c'est une victoire quand même intéressante sur un road trip qui se prolonge et qui s'est prolongé avec un retour aux Warriors. Là, ça n'a pas été la même histoire. Après, on le sait, les Warriors aussi, ils sont en très grande forme depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Ils avaient un bilan de 11-1, je crois, avant que les Knicks les rejouent. Bon, vous le savez et vous l'avez vu ce week-end, les Knicks se sont inclinés. Ce bilan pour les Warriors continue d'être bon en la présence de Jimmy Butler. Un Jimmy Butler qui a été moins en réussite quand même sur cette rencontre-là. Est-ce qu'il avait peur de jouer Karl Anthony Towns? Je ne pense pas. Est-ce que Karl Anthony Towns avait peur de jouer Jimmy Butler? Je ne pense pas non plus. J'ai bien aimé la toute première action du match où notre ami Karl Anthony Towns va feinter Draymond Green en tête de raquette. Il fait son petit drive et va claquer un dunk. Voilà. Là-dessus, on sentait qu'il voulait un peu donner le ton de cette rencontre. Il y a eu une réponse dans le jeu. Et Kat qui a été bon dans sa production. Hein. On est sur un 29 points, 12 rebonds. Bon, 6 fautes, ça c'est un peu dommage. Et c'est souvent son péché mignon. Et face à un Draymond Green qui sait très bien jouer de ce genre de situation, et ben oui, forcément, Kat a pris des fautes un peu dommageables. Qu'ils l'ont laissé sur le banc une bonne partie du deuxième quart-temps, je crois. Et ça, peut-être que ça a fait un peu la bascule pour les Knicks à ce moment-là. Parce que Kat était aussi en adresse à 3 points, hein, 3 sur 5 derrière l'arc. Il n'a pas abusé des shoots à 3 points et il a été plutôt prolifique et efficace dans cet exercice. Mais voilà, il a dit qu'il prenait le match avec amour et pas hate. Voilà, il ne voulait pas remettre de l'huile sur le feu. On sentait quand même qu'il voulait gagner ce match. Il voulait bien figurer dans cette rencontre et c'est ce qu'il a fait quand même, malgré les errements défensifs qui ont causé du tort. Et on pense à ses actions en fin de match où Draymond Green le feinte et tel un plou, il le passe pour aller finir en layup. Tu dis bien le terme, tel un plot. Voilà. Cette action là, ce drive. Un homme en carton, un homme en mousse, je sais pas. Ce drive, c'est qui m'a rendu fou. J'ai hurlé devant la télé. J'ai fait. C'est pas possible. Allez, pousse-toi, tac, tac, ouais. Tac. Et là, tu fais non, mais. Ok. Après, en recontextualisant, Kat était en foul trouble. Le fais pas jouer à ce moment-là. T'as besoin de défense. Et en même temps, il a porté offensivement, donc c'était le parti pris de l'attaque versus la défense. T'as le droit à ce moment-là, sinon, de vouloir jouer avec Kat et Mitchell Robinson. Tu peux aussi. Mais si tu veux, encore une fois, le coach a le droit à ce moment-là de s'adapter à la situation. Mmh. C'est son boulot d'être coach. Coach, c'est pas juste de dire, toi, rentre, toi, sors, toi, viens, toi, attends, toi, machin. Non, c'est de s'adapter. Attends, il a commis une faute, il l'attaque, on va peut-être sécuriser la raquette, machin. Enfin, tu vois, c'est de réfléchir, c'est d'anticiper. C'est ça, son boulot. Il est payé pour ça. Donc, je parle pas de minutes. Je parle d'anticiper, de réfléchir. Et là, sur cette séquence, elle était très dommageable pour Karl Anthony Towns qui prend un vent royal. Et face à Green, donc voilà, on sait tout ce qui s'est passé autour de Green et Kat avant. Après, on a eu cette association Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns plus tôt dans la rencontre. Ça n'a pas duré très longtemps. Il les fait jouer ensemble au deuxième quart. Ouais. Après, c'est vrai que sur cette opposition face aux Warriors, est-ce que c'était la meilleure opposition? On n'a pas non plus une perte intérieure. Faudrait voir contre eux. Des Cleveland Cavaliers, par exemple. Là, ça pourrait être intéressant d'avoir cette combinaison pour s'opposer. Là, face aux Warriors, c'était qui? C'était Santos, c'était Post. Voilà, on n'est pas non plus sur la même qualité d'intérieur côté Warriors. Donc, on a eu ces passages. Ça a été assez court. Mitchell Robinson qui ne fait pas une grosse rencontre. Bon, il joue 16 minutes, certes, mais 2,5 rebonds. Un retour aussi qui est mi-chaud, mi-froid vis-à-vis de Mitchell Robinson. Alors bon, au final, c'est une rencontre qui est perdue par New York sur un score assez faible, hein, 94-97. Il y a OG qui ramène un 3 points à la fin. Mais on a vite vu que lorsque un match se joue dans les derniers instants, dans les dernières minutes, Steph Curry reste Steph Curry. Steph Curry est toujours capable de mettre les 3 points qui font mal, qui font gagner les matchs. Ah. Et c'est ce qui a manqué un peu forcément à New York. On a parlé de Kevin Knox. Malheureusement. Si, il a joué. Bah, moi, j'ai joué, je crois. Ou c'était peut-être sur le premier match. J'ai 0 minutes, là, moi. J'ai 0 minutes. Non, il n'a pas joué parce qu'il y a le retour de Jonathan Kuminga qui était de retour depuis 2-3 matchs. Alors peut-être et que ça voilà, a zéro remis, qui tu reprend des sais. sensations. Peut-être tu sais qu'il est rentré tu sais, pour les quelques dernières secondes du deuxième quart-temps. Et tu Ouais, mais non, sais, mais je confonds avec le match au Garden. et Je confonds avec le ESPN, match au parce Garden. qu'il n'est pas marqué DNP, tu vois, par ESPN. Ah. Il est marqué avec zéro. Donc tu vois, peut-être qu'il a quelques secondes. Possible. En tout cas, voilà, c'est le retour de Kuminga. On a eu un Moses Moody qui était plutôt bon aussi dans cette rencontre. Voilà, des Warriors qui trouvent une nouvelle formule, qui Ouais, gagnent, qui marchent. Buddy de 15 minutes, 3 points sur 7, pas terrible. Et non, alors que c'est un des snipers en chef C'était un de match à l'écurie des prendre. Warriors. C'était un match qui aurait pu être pris. Il y avait un supplément d'âme de par cette confrontation dans les médias interposés. Malheureusement, les Knicks n'étaient pas loin. Il n'était pas loin du tout, mais Et il a voilà. manqué un petit peu de je sais pas quoi, Et peut-être c'était ainsi. 2 points Et de c'était. Josh Hart. Et c'est ainsi que c'est fini donc que c'est fini l'effet Tucker. C'est sur ce match-là que c'est terminé l'effet Tucker. Parce que jusqu'à présent il y avait l'effet Tucker, mais je pense que c'est ce qu'il a manqué, c'est l'effet Tucker. Moi je vais te Tu dire penses? Tu ouvertement, penses? Qu'au lieu de faire des bisous à Draymond Green, Tucker, il aurait dû dire, hey Josh, sors-toi les doigts du bip, c'est ça. espèce de mother bip. C'est ça. Il y a pas. Effectivement, ça a manqué de leadership parce que Josh Non, Hart, un mauvais match. il se prend le bec avec Tom Thibodeau en cours de rencontre. Bon, ça On a encore, bon, vu. ça se dispute. Ah, c'est assez rare, c'est assez rare, c'est assez rare. Et puis Thibodeau furax quand même. Alors, Thibodeau. il se dit, j'ai vu que c'est qui disait ça, je sais pas si c'est Stéphane Bondy ou qui a dit que ça leur arrivait souvent, ils étaient très proches, mais que ça leur arrivait souvent de se disputer. Alors là, c'est sur le banc, mais que ça leur arrivait souvent de se De se disputer prendre le parce que bec. voilà. Donc, je pense que c'est. Après, ce sont deux compétiteurs. Peut-être qu'à ce moment-là du match, ils avaient deux visions. Josh Hart frustré par le match pourri qu'il fait. Complètement. Tom Thibodeau aussi frustré par le match que son joueur est en train de faire et que ça aurait pu. Un Josh Hart à 10-12 points comme il fait, ça nous donnait la gagne. Donc, Ouais. ben. Même 6, même 6 points, la moitié, Eh quoi. oui. Enfin, Josh Hart, c'est 0 sur 7 au shoot, 0 sur 2 à 3 points. Ah non, Alors, c'est il a sa nul. production en rebond, ça on connaît, 7 rebonds et 7 passes, mais en 39 minutes de temps de jeu. Alors, oui, on peut dire, bah, si ton joueur est nul, tu le sors, tu mets quelqu'un d'autre. Josh Hart, il a un profil couteau suisse que même si Chamet joue, bah, n'apporte pas. Il n'a pas la même défense, la même présence au rebond, la même passing game. Après, t'as Delon White Donc. qui est un bon défenseur. Alors, peut-être pas aussi. Je pense qu'au niveau Oui, de. on le voit pas. Il faudrait voir pourquoi on le voit pas et est-ce qu'il aurait pas pu Tu dis, sur ce long match de. tu dis à ce moment-là, t'as encore des gens sur le banc, tu vois. Et alors oui, c'est vrai que malheureusement la légende Beauchamp était malade, donc n'a pas pu jouer. Mais t'as quand même, enfin bref, bon, écoute après. Ah non, moi sur ESPN, c'est Ah ouais, il y a White marqué qui était Illness. malade. Mais Ouais. Beauchamp Bon, était en problème. tenue de ville. Ouais. Ah Bah bah. écoute, il avait plus son jogging de propre. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une défaite, c'est dommage. Ça joue pas à grand chose. Les Knicks sont dans la rencontre. Les Knicks sont dans la rencontre, mais en seconde mi-temps, légèrement distancés, essayent de recoller à chaque fois. Et pour autant, ils vont réussir à se rapprocher des Warriors. Mais voilà, les Warriors, on sent aussi une certaine forme de sérénité. Ils jouent chez eux. Ils ont le talent de Steph Curry. Voilà. Dommage, Voilà. dommage, mais un bilan de 2-1 sur cette semaine. Et un road trip qui se termine avec nous l'heure de la rétrospective qui va se terminer par le Player of the Week. Mais un road trip qui se termine avec un bilan de 2-3, 2 victoires et 3 défaites. Et juste une chose à ajouter, On limite la casse. qu'on a oublié de mentionner, c'est Oui, on casse qu'après aussi. la victoire contre Portland, on est officiellement qualifié pour la post-season. Quoi qu'il arrive, on sera. J'allais en parler après. Ah, pardon, pardon. Quand on allait voir le petit classement, il y a un petit Ah! yes. Post-season clinch, ça y est, c'est clinch. Les Knicks auront un bilan positif. Il y a quand même 42 victoires cette saison. Profitons-en. La saison n'est pas finie. Jusqu'où iront les Knicks? Jusqu'où vont-ils monter leur bilan victoire-défaite? À voir. Sur ce road trip, comme on le disait, 2 victoires, 3 défaites, 2 prolongations. Il y a ça aussi. Les Knicks, ils jouent beaucoup, mais ils ont fait 7 prolongations cette saison. 6 victoires, 1 défaite. C'est l'équipe qui a joué le plus de prolongations. C'est aussi signe du fait que les Knicks n'arrivent pas à tuer les matchs. Ils arrivent à les tuer en prolongation, mais à la fin du temps réglementaire, on se laisse rattraper, on loupe les occasions qui permettraient de tuer le match un peu plus tôt. C'est dommage. C'est dommage. Et bah, ça use. Ça use. Ça use. Allez, notre joueur de la semaine dans ce bilan road trip qui se termine mieux cette semaine, la semaine dernière. Bah, y a un joueur qu'on voulait honorer. Il a fait parler de lui. Il a fait parler de c'est lui. C'est pas Miles McBride. C'est pas PJ Tucker. Et c'est pas PJ Tucker, non, lui. C'est pas qu'on l'aime pas. C'est juste que pour l'instant, on voit pas trop l'intérêt. Voilà. Ouais. Mais peut-être qu'il nous fera mentir. On verra. Non, cette semaine, c'est Mr. Clutch. C'est Mr. Ouais, je joue trop. Bah ouais, bah tu continues de jouer trop. Non, il n'a pas dit je joue trop, il a dit ça serait bien que peut-être, tu vois coach, si tu regardes le banc, tu les laisses un peu quoi. Mikal Bridges, c'est peut-être la première, voire la deuxième fois qu'on le nomme cette semaine, enfin cette semaine, cette saison, après son match face aux Spurs qu'il avait fait gagner, il faut s'en rappeler, à Noël. Bah là, cette semaine, son buzzer beater et sa réaction après sa déclaration, et puis au global même, on trouve un Mikal plus saignant, plus entreprenant en attaque, qui va shooter des lancers francs. Ça se voyait peu avant. Il se limite plus à rester dans le corner pour mettre des trois. Il prend ses responsabilités. Alors même si face aux Warriors, ça a été moins en réussite que 19 points et 6 rebonds. Mais voilà, en tout cas, il y a une implication de sa part qui, en l'absence de Jalen Brunson, est à noter. À voir si ça va être durable. Finalement, cette absence de Jalen Brunson, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça va redonner de la confiance amicale. Ça va peut-être lui donner des envies de prendre le match un peu plus à son compte par moment. On attend de lui, pourquoi pas, de briller plus lorsqu'il est entouré des joueurs de la seconde unit sur certaines séquences. Donc voilà, Mikal, t'en as les capacités, tu peux faire gagner les Knicks. Ça fait quand même trois actions clutch cette saison à ton actif. Donc voilà, Mikal, l'intégration, elle va se faire. Oui, tu es mis à contribution, tu joues beaucoup, mais tu peux aussi apporter. Et cette semaine, en tout cas, on a décidé de la dédier à notre ami Mikal. Voilà, Seb, un dernier mot amical pour Mikal. Ouais. Doucement sur les... Amical pour Mikal. Doucement sur les... En fait, moi, ces petites mimiques en début de match, j'ai un peu du mal, j'avoue. Mais bon, ouais. Quand ça gagne, ça passe. Quand ça gagne pas, ouais, mimique... Bah, tu sais, c'est la même veine que ces joueurs-là, comme Russell Westbrook, tu sais... Campaign aimait bien ça, il faisait avec... il continue à le faire. Ouais, Campaign, il le faisait à l'époque au KC. Ouais, je sais pas si Mikal a une chaîne sur TikTok. Est-ce qu'il fait des danses sur TikTok aussi? Je pense qu'il prépare trop de temps. Il passe trop de temps à préparer ses chorés. Ouais, non, après, je sais pas s'il prépare trop de temps, mais pour moi, c'est pas un peu une sorte de forme, pas d'immaturité, mais quand t'en viens comme ça, mec, t'as 30 balais à faire tes petites danses, tes petits trucs, pas focus, quoi. Ouais. C'est pas Sonic ce ça, c'est pas Sonic. Non, c'est pas c'est enfin moi c'est ouais ça ces petites danses là. Bah, c'est ça qui nous fait dire le côté soft quoi. Il a 18, 19 ans, 20 ans, OK, d'accord, tu t'es un kiffeur, là tu arrives à bientôt la trentaine. Pas d'autres objectifs, là tu joues pas Cooper Flag là. Donc tu es à New York dans une des franchises les plus médiatisées au monde. Je n'ai pas dit les plus grandes parce qu'il y a des franchises bien plus grandes. Mais par contre, médiatisées, non. Une des plus médiatisées par rapport au statut de la ville dans sa place dans le monde. Et tu peux pas être là en mode... Quand on parlait d'Enix Soft, il y a ce côté... Il l'incarne. Il l'incarne. Peut-être plus que 4. Quand tu vois l'année dernière en playoff dompté là, qui va voir ça faisait le Lipucien qui se met comme ça face à Embiid et là la célébration et justement les amis sur notre chaîne, les différents double bang de Mike Breen, il y en a trois pour les Knicks. On a un Julius, on a un dompté en playoff face aux Sixers et la façon dont il célèbre, voilà, on sent l'énergie, la rage, le côté animal qui ressort. Mikal, il célèbre. Ouais, il est en mode, il se marre. C'est pas le même style. C'est non. Pas du tout le même style. Donc moi, je veux bien que Mikal, tu fasses des petites chorés que quand on gagne et tu nous fais gagner plein de fois et comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour cette grosse rétrospective, ce gros débrief, ce gros débat. Là, on se projette sur la nouvelle semaine. On regarde tout de suite le programme d'Enix. Allez, c'est parti. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Très rapidement, avant de parler du calendrier, bah on regarde quoi? Déjà les brackets, c'est un peu tôt, non? À 30 jours, on est à 30 jours des playoffs NBA. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup dans la hiérarchie et le classement de la conférence Est. On se projette sur plutôt un premier tour face aux Detroit Pistons. Voilà, là, Detroit Basketball, on est sur un mood totalement différent. On n'est pas là pour faire décorer. À voir ce que ça donne, comment ça évolue. Est-ce que avec la blessure de JB, les Knicks vont glisser? Pour l'instant, ils gardent toujours leur petite avance sur le classement. Tout le monde est sur le même rythme. Hein. C'est Ça ronronne. Ouais, tu regardes, nous, on est sur les 10 derniers matchs, on est à 5-5. Milwaukee est à 6-4. Les Pacers sont à 5-5. Et Détroit est à 5-5. Et donc, donc, changez rien, les gars. Restez comme ça. Et on sait comment vont se profiler ces playoffs. C'est juste la bataille. C'est clinch maintenant. La bataille, je pense que nous, la troisième place, elle est acquise. Moi, je pense que ça ne bougera pas. On a quand même maintenant un matelas suffisamment important sur Milwaukee. Je pense que la troisième place ne bougera pas. Maintenant, qui va arriver quatrième, cinquième, sixième? C'est là la question. Parce que 37-31 pour Détroit, 37-29 pour Indiana, 38-29 pour Milwaukee. C'est hyper serré entre ces trois équipes-là. Il y a un trou. Il y a un trou. Je pense que le play-in aussi, on a les équipes de play-in. Je pense que ça, c'est torché aussi. Maintenant, dans quel ordre? Atlanta est à 32-36, Orlando est à 32-37, et après on a la deuxième partie avec le Heat à 29-38 et les Chicago Bulls à 28-39. Maintenant, en bas, on a les Sixers qui coulent. Autant ils étaient à deux victoires de Chicago pendant un moment. Ouais, mais ils n'ont jamais réussi à raccrocher. Hein. Ils n'ont jamais réussi à revenir. Là, maintenant, ils sont à 5 victoires de la 10e place. Je pense que c'est terminé. Ça parle d'un arrêt de saison pour Playoff P. Là. Et ils sont à égalité avec Toronto et les Nets en termes de bilan. Quoi. C'est 23-45, 23-44. Tout ça, c'est leur problème. Nous, on va regarder les Knicks. Et finalement, même si la méthode Thibodeau fait grincer des dents, les résultats pour l'instant sont là. Oui, mais c'est pas là qu'on attend les Knicks. C'est pas là qu'on attend les Knicks. C'est pas régulière qu'on attend les Knicks cette année. Non. Non, mais la régulière, elle est au niveau à laquelle on pourrait l'attendre. La très belle surprise, elle est côté Cleveland. Sinon, on a toujours classé Cleveland, derrière. 56-11, c'est incroyable. Enfin, ils sont fait surprendre par Orlando cette nuit. Ouais. Allez, le calendrier de notre semaine des Knicks. 4 matchs au programme, 2 à domicile, 2 à l'extérieur. Ça y est, le road trip à l'ouest est terminé. Il y aura une équipe de la conférence ouest au programme cette semaine. Et elle n'est pas forcément non plus en très grande forme. Donc cette semaine, elle commence où? Elle commence au Madison Square Garden. Ah, retour à la maison, ça va faire du bien. Ça va faire des matchs à des heures un petit peu plus raisonnables. Heureusement que les Américains ont changé d'heure un petit peu plus tôt. Ça nous a permis d'avoir un match face aux Warriors à une heure un peu plus décente pour nous, Européens et Français. Et donc ce match, c'est face au Miami Heat dans cette nuit de lundi à mardi. Un match qui a lieu à 00h30. Le Heat qui essaye de sécuriser sa place en play-in. Donc ils auront envie d'aller chercher quelque chose. Bon, ça doit être prenable, mais ça on va en parler après. Derrière, déplacement, on part au Texas. Ah oui, tiens donc. À San Antonio. Bon, De'Aaron Fox, saison terminée aussi. On arrête les frais là. Il n'y a plus de Greg Popovich, il n'y a plus de Victor Wembanyama. Il n'y a plus de play-off envisagé. Il n'y a même pas de play-in non plus envisagé. Une saison qui sera appréciée au regard de sa globalité côté Spurs. Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et back-to-back. Et ouais, c'est moche ça. Back-to-back à Charlotte en moins de 24 heures, deux matchs. Parce que là, effectivement... que il y a des heures de vol là. Hein. Ouais, c'est pas à côté. C'est pas à côté. Non. Hein. Donc là, au niveau pronostic, il faudra y penser un petit peu. Hein. Ouais, donc il y aura peut-être de la fatigue. Est-ce qu'il y aura des rotations? Est-ce qu'il y aura du blowout qui aura permis de ménager? C'est quoi? Deviens moi, qu'est-ce que c'est que ce mot rotation? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Quoi qu'il arrive, il y en a, elles sont courtes ou elles sont longues, mais non. Donc voilà, dans la nuit de jeudi à vendredi à Charlotte, aux Hornets. Bon, là c'est pareil, on parle pas forcément de post-season lorsqu'on parle des Hornets, on parle peut-être plus de Cooper Flag, à voir comment ça se passe, mais ça peut être des matchs pièges. Et pour finir la semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, retour à la maison, retour au Garden et réception des Washington Wizards qui seront privés de Bilal Koulibaly, qui est très lourdement retourné l'autre jour et dont la saison va se terminer les aussi. Ischio janvier, ouais, oh, il est tombé. Sale. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. mais mal pour lui. Ah ouais. Voilà, quatre matchs au programme. Seb, tu nous donnes un petit peu les tendances, les forces en présence. Ben, ça aurait été une semaine, normalement, au complet. Tu sais qu'on aurait dit, bon, allez, ça va nous faire du bien. On va loquer tout ça, la troisième place terminée. Sauf que là, c'est moins sûr. Miami, en fait, eux, ils font comme tout le monde. Ah, quoi que non, pardon. Non, j'allais dire, ils font comme tout le monde, ils piétinent. Pas du tout. Ils sont en 2-8 sur les 10 derniers matchs. Ils piétinent dans la semoule. Et ils sont sur une série de 7 défaites consécutives. Moche. Ils ont perdu contre les Cavaliers, les Timberwolves, les Bulls, les Hornets, les Clippers, Celtics, Grizzlies. Et puis à chaque fois, des défaites. Pas, tu vois là, les Grizzlies, ils ont perdu 125-91. Ils ont pris une petite raclée, quoi. Donc, pas évident. En termes d'injury, en ce moment, les blessures. Ils ont Alec Burks. Mais qui pourrait revenir, pourquoi pas, contre beaucoup les... de questionable. Ouais. On a Andrew Wiggins aussi, qui est actuellement en day-to-day. Et qui pourrait revenir contre les Knicks. Jovic, lui, est out. Et la légende Drew Smith aussi est out. Donc voilà. Donc leur prochain match, c'est nous. Donc ça sert à rien de voir. Est-ce qu'ils sont. Je crois pas. Non, ils sont pas en back-to-back. Ils n'ont pas joué cette nuit. Donc non. Donc voilà. Il faut qu'ils se ressaisissent parce que. La dernière fois qu'on les a affrontés, on a gagné en overtime. Oui. Et les Knicks, la KNF était présente. Donc. Voilà, si on pouvait gagner sans overtime, ça serait bien. Ensuite, San Antonio. Eh ben, San Antonio actuellement occupe la place de 10, 11, 12, 13e à la Conférence Ouest avec un bilan de 28-38. 28-38. Ils ont gagné plus de matchs que la saison dernière. Ouais, c'est quasiment le même bilan que le Miami Heat qui a 29-38. Ouais. Eux actuellement, ils sont sur les 10 derniers matchs en 4-6. Ils sont sur une victoire. Ils ont gagné contre les Pélicans de 4 petits points, 119-115. Comme tu l'as dit, on a Victor qui est out. Là, ils ont décidé que De'Aaron Fox aussi, ça serait fini. Sur leurs deux gros blessés. Après, ils ont toujours leur équipe. Hein. Ils ont toujours le petit Stephen Castle hein, qui est la sensation de cette draft. Ils pourraient être rookie de l'année, mais ça ferait deux rookies de l'année consécutivement pour les Spurs. Pourquoi pas. Mais après, Rizaché finit bien. Là. Il finit fort. Donc, à voir. Après, voilà, ils ont toujours cette bonne équipe avec du Vassell, avec du Chris Paul. Moi, un joueur que j'aime beaucoup. Harrison Barnes. Harrison Barnes, j'aime bien, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais c'est Keldon Johnson que j'aime beaucoup. Keldon Johnson, j'aime beaucoup. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner. Avant nous, ils vont jouer. Los Angeles Lakers. Pas cadeau. Une affiche vintage, mais est-ce qu'il y aura les armes pour rivaliser avec eux? Est-ce que LeBron sera de retour? Peut-être pas sûr. Alors. Les Lakers se diront sûrement que c'est un match à leur portée sans LeBron, donc mais bon, affaire à suivre. Possible. LeBron a commencé à se réentraîner, ce qui n'est pas le cas de Jalen Brunson. Ensuite, les Charlotte Hornets. Les Charlotte Hornets. Actuellement, ils ont l'avant-dernier bilan de la conférence Est avec 17-50. Ils sont sur un bilan de 3-7 sur les 10 derniers matchs et ils ont surpris. Ils ont gagné les Spurs dans un match 145-134. Tu aimes l'attaque, t'es servi. Ah ouais, l'attaque. Et en temps réglementaire, pas de prolongation. Pas de prolongation. Et la nuit dernière. Et la non, Charlotte. Quand on prend 143, non mais quand même les Spurs t'en prend 143 en temps réglementaire, waouh. Et cette nuit, ils ont pris une branlée phénoménale contre les Clippers, 123-88. Voilà, là, t'as les Clippers qu'ils ont... ils ont mis rideau. Écoute, avant nous, ils vont jouer Atlanta. Et la dernière fois qu'ils ont joué Atlanta, ils ont perdu de 13 points contre eux. Donc, voilà, ils ne seront pas en back-to-back. Donc, ils seront frais et dispo. Mais nous, oui, comme tu l'as dit, et en plus de ça... Il y a ce voyage. Et ça, c'est vrai que ça, c'est pas bon. Ça peut jouer... Et on finit avec les deux plus mauvais bilans de la conférence, hein, avec là Washington qui est en 15-51, mais Washington qui s'est dit, tiens, et si on finissait La saison en boulet de canon. Bon, ils sont en En boulette. 6-4. Ils sont en... C'est en boulette. Ils sont en 6-4. Et ils sont sur une série de deux victoires consécutives. Et qu'est-ce que c'est que ce Wow. délire? Ouais. Et puis ils ont gagné les Pistons, et puis ils ont gagné les Nuggets. Tu vois? La NBA, des fois, un peu improbable, un peu surprenante. Des équipes qui les ont peut-être pris de haut, voilà, mais... Ils sont sur un bilan de 2-0 contre Denver, comme nous. C'est dingue. J'ai vu ça par le mec de X là qui disait cette année, Nuggets France. ouais, cette année on a battu deux fois les Nuggets. Non. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Bah, qui ils ont et ou qui ils n'ont pas? Smart est en day-to-day. Est-ce qu'il pourra jouer ou pas? Kispert est out. Malcolm Brogdon est out. Bilal Koulibaly, on a dit. Et Sadiq Bey. Sadiq Bey? Sadiq Bey, Bah lui, oui. ouais, lui. Mais le retour, enfin le retour. Chris Middleton sous le maillot des Wizards, ça fait un peu bizarre à voir, mais bon. 2-0 sur les derniers matchs, j'y arrive. Eh bien, voilà, bravo à eux. Alors, eux, quand on va les jouer, seront eux en back-to-back. Ah. Ils auront joué la veille contre Orlando. Pas facile. Leur semaine à eux, c'est Portland, Utah, Orlando. Et nous, c'est-à-dire que nous, jusqu'à présent, San Antonio, ils auront joué qu'une équipe avant nous. Charlotte aura joué qu'une seule équipe avant nous. Eux, ils auront joué quand même trois équipes avant nous. Comme nous, on aura joué trois équipes avant eux. Mais Voilà. oui, effectivement, en Non, fin de parce que je veux dire, semaine, mais eux, ils auront ils joué auront une trois grosse équipes semaine aussi. et un back-to-back. Donc, et si ça finit pas en blowout, cette histoire. Oui, c'est vrai. On Ah, mais est c'est. sûr de rien. On est sûr de rien cette saison. On est sûr. Allez, la traditionnelle question, c'est quoi le match immanquable cette semaine? Pas facile. J'avoue, c'est pas facile. Il y a tellement de bons choix que c'est vraiment pas facile. Bon, l'affiche dans tout ça, c'est le hit. Ben oui. Oui, quand même, quand même. Le reste, on est sur du bas de panier, quand même, hein. Du Voilà. fond de panier. Même si, il faut aller les gagner, Même faut si pas le hit, même si le hit, sous-estimer. même si le hit et les Spurs sont le même bilan, donc ça reste, tu Oui. vois, enfin. Oui, mais il y en a un qui est en play-in et pas l'autre. Après, on va dire, ouais, la conférence, mais bon, on connaît tout l'historique avec le hit. Oui, voilà. Mais effectivement, je te Et le rejoins, c'est 8, le match qui donne un petit peu plus envie que il va les peut-être trois autres. récupérer du monde, hein, s'il récupère Wiggins, Burks. C'est pas pareil après. Hein. Ah, ils sont en pleine transition, là. C'est une saison compliquée Ils pour ont eux. Adebayo, ils ont Hero, ils ont Ware. Le petit Ouais. Kyle Ware, il est bon lui. Hein. Oh, il nous avait fait du mal l'autre Ouais, fois. la Ouais, doublette là. Ils font une sorte de Twin Tower avec Adebayo, Kyle Ware. ouais. C'est pas mal. Hein. Bah, J'aime bien. les Ware, là, il est plus grand aussi. Ouais, voilà. Adebayo, sa mobilité, poste 4, voilà qui. Ça sera pas un match facile, clairement. Et d'ailleurs, justement, si on parlait des pronostics. La semaine dernière, j'étais sur un 2-1, T'avais gagné. on a fini en 2-1. T'as gagné. T'as pas cru, tu pensais pas à ce back-to-back face aux Kings Non, et c'est c'est ça vrai. qui t'a eu. Après, bon, voilà, les Warriors. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire comme pronostic? Est-ce qu'on va être optimiste, pessimiste, équilibré? Il y a 4 matchs quand même. Il y a ce back-to-back là qui n'est pas à côté. Ce n'est pas un back-to-back, on joue à Philly et puis on joue à Brooklyn. Non, il y a quand même un peu de distance en moins de 24 heures parce qu'ils jouent le match à 1h du matin pour nous, heure française, face à San Antonio. Et le lendemain, ils jouent à minuit. Donc il y a même moins de 24 heures pour nous, Français, entre ces deux matchs. Donc même pour nous, fans, ça va être compliqué à suivre ce genre de rencontre là. On va être fatigué en fin de semaine, on va être fatigué. Il y a intérêt d'avoir de la victoire. Le plus dur, ouais, c'est quand même Miami. Miami, ça a été accroché la dernière fois. Ça s'est bien fini pour New York en prolongation chez eux. Bon. Est-ce qu'on gagne ce soir? Allez, j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire quoi? 4-0 pour moi cette semaine. Allez. Oh. Je m'embête pas. Voilà, 4-0. Mikal, il a remis les pendules à l'heure. Josh, il s'est pris le bec. Il a rien mis. Il va avoir un petit coup de coaching personnel par PJ Tucker qui a joué au Heat aussi. Donc il devrait faire des bisous avec tous les joueurs du Heat en fin de match. Ça, attendez-vous à ce genre de célébration en fin de rencontre. Mais ouais, je sens que Josh Hart, il va vouloir reprendre un petit peu sa revanche par rapport à son match un peu foiré face aux Warriors. Et il va peut-être donner le ton assez vite. On aura le duel Karl Anthony Towns, Kelly Ware ou Bam Adebayo. Il y aura ce genre de séquence. Est-ce que Tyler Herro, on va prendre feu? Ah, bon. On a du Mikal, on a du OG, on a des ailiers qui jouent bien en ce moment. J'ai envie que ça continue. Et c'est l'affiche la plus relevée de la semaine, on va dire. Même si, oui, les Spurs ont le même bilan. Mais moi, je vois les Knicks s'imposer. Après, dans le Texas, Oh, ça va faire rideau sur la saison. Ils vont vouloir aller grappiller des pourcentages dans la loterie. Donc, ils vont nous le laisser. Attention à Charlotte. C'est peut-être ce match-là qui pourrait être piège. Je ne dis pas que ça va être une victoire facile. Ça va être une victoire accrochée. Mais on va avoir du mal contre Charlotte. On va comprendre pourquoi. Brandon Miller, peut-être. La Melo Ball. L'autre Bridges. Mais j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner face à Charlotte. On n'a pas envie de perdre face à Charlotte. Et puis voilà, Washington, retour à la maison, bah, voilà, même si eux seront en back-to-back, il faut s'imposer à la maison. On arrive en play-off, on arrive à l'approche des play-offs, il faut quand même se rassurer à la maison. Donc moi, pour moi, 4-0 cette semaine, pas de faux pas, mais un match accroché face aux Hornets. Et toi? Moi, Qu'est-ce que tu nous vois dans cette semaine de 4 matchs? Win-win? 2 wins non, seulement? 4? 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, ah! 2-2, 2-2. Alors, où on va gagner, où on va perdre? On gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. D'accord, on perd, on gagne. Donc, on commence par perdre Ah ouais, oh, contre Miami. la match-up est dégueulasse contre Miami. Et Et pourtant, on a gagné chez eux. mais ouais, mais on avait Jalen Brunson. Et là, il n'est pas là. Et là, si tu veux, on joue donc une. On est moins fort, on a moins de joueurs forts, on joue des match-ups qui ne sont pas du tout favorables. Je veux dire, la paire d'intérieur là, Adebayo, Kelwer, ça va nous faire encore du sale. Et il faut pas compter sur Karl The Plot Towns pour arrêter tout ça. On va se faire. Et puis lui, je crois qu'il s'était fait quelques fois contrer par le petit Ware là, Ouais. 6 fois, un truc comme ça, bref. La match-up est pas bonne. Cette équipe de. Tu vois, si nous, on pensait qu'on est taillé pour battre les Celtics, ben eux, par contre, ils ont vraiment des éléments pour bien nous ennuyer. Donc, je pense qu'on perd contre le Heat. Ensuite, blowout, mais ça devrait quand même le faire. Je pense sur une victoire de 10-12 points. Voilà. Mais vu qu'on va avoir joué beaucoup de minutes. Forcément, pas beaucoup de temps de récup. Forcément, l'avion, ça fatigue. On va être crevé. Match d'attaque, on va se faire ouvrir contre Charlotte. On va se faire ouvrir. En plus, vu qu'on C'est défend, possible, plus c'est possible. vu qu'on défend pas les 3 points et tout. Enfin bref, ça va être Et une. est-ce que Mitchell Robinson va jouer? Il n'a pas joué les précédents back-to-back, là, c'en est un. On va se faire défoncer la gueule. Cherche pas. Ça va être une orgie à trois. On va ressortir de là avec 133, 102 ou 100, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Mais par contre, voilà, on se rattrapera contre Washington. Bien que, attention, Washington, faire un minimum attention. Mais normalement, ça devrait le faire. Une victoire facile de 20 points pour finir la semaine. Donc, Ok. voilà. On perd contre Miami. On perd de 7-8 points contre Miami. On gagne d'une dix-douzaine contre les Spurs. On se fait casser la gueule. Et en mode, mais pourquoi? Parce que, C'est en fait, possible, c'est possible ce match-là, Charlotte, c'est possible. les mecs, ils auront beaucoup joué la veille. Ils seront claqués, le voyage et tout. Tout est réuni pour qu'il faille presque mettre des petits morceaux de tasseau pour garder les yeux ouverts. Mais par contre, on sera sûr contre Washington. Enfin, avant d'attaquer une dernière semaine qui va être. Enfin, pas une dernière semaine, mais. Il en reste encore un peu là. Le dernier mois, quoi. On va dire quasiment le dernier mois de compète, les 2-3 dernières semaines de compète, voilà, pour se donner un peu de confiance. Mais voilà, Ok, pour moi, le bilan. 4-0 pour moi, très optimiste. Très optimiste, hein, vous le comprenez. Il y a le blowout, il y a le blowout, il y a le back-to-back. Pour être du blowout, attention. Mitch, est-ce qu'il va jouer le back-to-back? On verra. On verra. Lequel de match il va jouer? Est-ce qu'il va jouer le match de San Antonio ou est-ce qu'il va jouer le match de pour garder de la fraîcheur? Tu vois, c'est ça aussi le coach Ou où il va falloir peut-être qu'il aucun des réfléchisse. deux. Peut-être T'imagines? il se blesse. Peut-être il se Non. blesse. Oh. Eh, si on dit ça. Non, non. Et si ça se passe? Ça sera toi. Bon, Hein. Pas bref. ta faute. Non. C'est toi qui l'as Attends, dit. il s'est déjà blessé plein de fois sans que j'en parle. Ouais, mais là, t'en as parlé. On verra, on verra. En tout cas, effectivement, ça serait bien de finir tout ça sans blessure supplémentaire. Parce que les Knicks n'ont pas besoin de ça dans la période actuelle. Bon, on va reterminer cette émission, cette longue émission. Bah oui, qu'est-ce qu'on avait? On était très bavard, faut croire. Et comme on est très bavard, eh ben, on vous donne rendez-vous demain, ou ça, sur X, sur Space, sur Twitter. Enfin voilà. Alors, il n'y aura peut-être pas Alex de Trash Talk. Non, ça, c'était la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas présents, dommage. Après, il y a toujours le replay. Donc, il n'y aura pas d'invité mystère sur cette émission, sur cette 19e émission. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses à dire. Vous le savez, il y a toujours des choses à dire sur Linux. Et puis, il y a une interaction. Vous pouvez... la parole est donnée à tous. Nous, on parle beaucoup ici. Mais on parle moins là-bas. Chapitre distribue la parole. Chacun amène son analyse, son ressenti, ce qu'il pense. Donc c'est un espace pour tous les supporters d'Enix. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter à venir et exactement. Et pendant une heure et quart à discuter. Voilà. Donc faut pas hésiter à venir. C'est fait pour vous. Ça s'appelle Nix Together et c'est pour être ensemble. Donc on s'associe et on est toujours avec Chapi pour l'accompagner dans cette très belle initiative qu'il a eue cette saison pour donner la parole aux fans d'Enix et puis même aux fans des autres équipes parfois qui nous donnent un peu des fois des éléments et des raisons de relativiser nos critiques, notre insatisfaction. Bref, en tout cas, c'est un bon moment à partager ensemble et ça sera demain une nouvelle fois pour l'épisode 19 sur Twitter X à partir de 19h. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour ce lundi. Beaucoup de choses à dire. Un gros tour. On a fait même peut-être plusieurs fois le tour. On vous laissera regarder tout ça sur nos plateformes, sur YouTube et puis sur les plateformes de streaming audio à partir de demain. N'hésitez pas à réagir. Voilà, c'est par rapport à ce qu'on a dit. À ce que si. D'accord ou pas d'accord. Si vous... L'important, voilà. c'est de profiter du moment et de partager et de donner vos avis. On est toujours content de vous lire en commentaire. Ouais. Allez, sur ce, voisins du dessous, bonne semaine. Ah, je regarde, il n'y a pas de match d'Enix sur Bein cette semaine. Désolé. Ah. Ouais, parce que l'autre fois, il s'était gouré. Ouais, mais là, il n'y en a pas du tout. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bah, vu le calendrier, ouais. Et comme ils arrêtent de diffuser les matchs de Wemby. Parce que les Mavericks, ils vont être. Non, mais. Pistons Mavericks, ça se trouve, les Mavericks, ils vont déclarer forfait, t'as vu, ils ont pas assez de joueurs pour. Donc, si ça se trouve, c'est bon. Peut-être que ça sera nous. les Mavs, ils ont pas une équipe de G-League. Je comprends pas. Ils doivent pas avoir assez de gens sous contrat. Hein. Les joueurs de G-League, mais ils tapent déjà, je crois, dans les tourées. Ouais. Ils avaient pris Moses Brown l'autre fois. Bon, ouais. Ils pouvaient pas le faire. Allez. Bon, allez. Sur ce, épisode 117. Finito, et ouais, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et let's go Knicks. Ciao, ciao. Ciao.